Vous avez quitté Toulon assez tôt ce matin. Vous avez été rejoint par Dobby et la petite Renard à l'entrée de la sacristie rouge à la première heure. Vous, de votre côté, vous leur avez fourni l'huile que vous aviez récupérée et vous avez aussitôt pris vos chevaux et de ton côté ta moto avec ton sidecar, Mokoche, que Dobby a pris soin de te remplir de pétrole. Il n'en a pas mis beaucoup, mais de quoi te faire l'aller-retour. Pour gagner le temps que vous auriez passé à aller négocier auprès des tours à pétrole. Il est plus trop à ça près, en effet. Vous êtes donc parti à la conquête du chemin brûlé, mais le versant du chemin que vous ne connaissez pas, puisque la dernière fois vous l'avez fait de Morvan à Toulon, cette fois-ci vous le faites de Toulon jusqu'à Bayonne, puisque c'est la route que vous devez suivre. Vous avez sur votre carte un emplacement global qui pourrait vous indiquer où sont censés se trouver actuellement les caisses, les fameuses caisses. Vous allez devoir simplement quitter le chemin brûlé un petit peu avant Bayonne et vous perdre à travers les marais. Ok, vous avez donc traversé le chemin brûlé le matin même, assez tôt d'ailleurs. Vous êtes soit sur vos chevaux, soit sur votre moto avec... De ton côté, Mokoche, la petite Lilith sur le sidecar, qui tient entre ses mains une espèce de grand morceau de ferraille qui lui servira éventuellement d'arme au cas où, puisqu'on n'a pas encore débuté les entraînements avec ton espadon. Et vous allez comme ça un petit peu vous perdre à travers les marais. Comme je disais, au bout d'un moment, vous êtes obligé de vous séparer du chemin. Et également de faire une pause sous les conseils et presque même ordres de Dobby, qui, tandis qu'il profite de cette pause pour fumer loin des chevaux, vous invite à vous recouvrir d'huile de Mardok pour éviter de vous faire attaquer par les faux bourdons. En effet, même si la paix a été faite avec ces derniers, c'est surtout un pacte de non-agression, dans le sens où ils ne vont pas arriver sur votre territoire, mais si vous vous trouvez sur leur territoire, vu qu'ils ont un côté zombifié, d'une certaine manière. Je parle du zombie à la manière un petit peu du voodoo, pas le zombie de Walking Dead qui mange les gens. Ils ont ce côté un petit peu esprit complètement esclave de leur maître, et vont pas forcément se rappeler qu'ils sont en paix avec vous. Ils vont pas avancer sur votre territoire parce que leurs maîtres leur en donneront jamais l'ordre, mais si vous vous baladez devant eux, ils risquent de s'en prendre à vous. L'huile est donc le meilleur remède pour éviter de se faire agresser, puisque elle a pour effet, concocté par les Anubiens, de neutraliser les ondes émises par les chakras, et donc à leurs yeux, vous n'existez presque pas. Ce qui est suffisant pour survivre. Pour les décrire rapidement, vous avez donc ces vieux arbres morts à perte de vue. Au loin, vous voyez les flots s'étendre à travers de nombreuses rivières qui donc passent depuis le royaume de Mornakir pour rejoindre le delta du Rhône. Donc la zone est complètement envahie et extrêmement humide. Évidemment, au loin, vous entendez de nombreux vomissements d'insectes. Ça vous rappelle un petit peu la fois où vous étiez baladé dans la forêt aux alentours de Lucatoré. Lucatoré? Ouais, exactement. Un bon point. C'est une ambiance qui est assez pesante et le ton n'est pas vraiment à la rigolade. Les gens parlaient très peu lors du trajet et actuellement c'est encore plus le cas. Surtout que si jamais il y a du monde autour, Sans doute sont-ils déjà au courant de votre présence. La moto de Mokosh n'est pas réputée pour être extrêmement discrète. Mais finalement, même la présence des animaux servent d'appât un petit peu à grande échelle à tous les moustiques et toutes les merdes qui se baladent par là. Vous voyez des espèces de petits nuages d'insectes voler autour de vous. Vous avez aussi quelque chose qui est assez marquant dans ces endroits-là, c'est cette odeur de vase assez omniprésente. Alors, vous allez commencer à déambuler dans la zone de recherche et à chacun de vos pas dans la terre, vous voyez que vos traces s'enfoncent et se remplissent instantanément d'eau et marquent abondamment le sol. Au loin, vous voyez de temps en temps les traces dans la boue, des empreintes animales qui, ça se trouve, sont là depuis des jours et des jours, puisque le peu de passage dans le coin doit les préserver relativement longtemps. Je vais en profiter pour vous demander un premier test, chacun et chacune d'entre vous, qui sera un jet d'instinct orientation. Donc, orientering. Ce jet consiste simplement à pour but de vous aider à vous guider grâce à votre carte. D'ailleurs, la personne qui tiendra la carte aura le droit de jeter 2 dés supplémentaires. La personne qui la tiendra la majorité du temps. Ok. 2 réussites dans 1 dégât. 3 réussites. 5 réussites. Bon bah alors déjà Efflux, toi assez rapidement alors que vous enfoncez dans les marais et que vous quittez le petit bout de début de sentier où vous avez accroché vos chevaux, puisque là la zone n'est pas praticable et serait presque trop dangereux. Un cheval qui se fait embourber, c'est un cheval mort. Tu arrives assez facilement à repérer l'endroit. Je l'avais pas forcément décrit plus que ça sur le coup, mais évidemment que l'hospitalier de l'orage, si vous êtes allé leur rendre visite un moment, vous ont aidé à localiser l'endroit précis, ainsi que les ferrailleurs liés à l'expédition à qui Dobby aurait pu poser quelques questions. Donc l'endroit que vous avez à trouver est assez précis, et tu reconnais le sentier, vous traversez, et la moindre balise est complètement visible. En effet, sur certains arbres ont été peints 2-3 coups de peinture, enfin 2-3 traits, via des petits coups de peinture, des petits traits de couleur, qui se retrouvent sur ta carte. Et une fois que tu sais les lire, tu sais te repérer à travers les débuts de sentiers des marais, en tout cas ceux qui ont été cartographiés. En plus de ça, de ton côté, Jacquard, ta traque se passe vraiment vraiment bien. Tu les traverses aussi, et toi, même sans avoir besoin de la carte, presque instinctivement, tu sais où sont passées les caisses, puisque au loin, tu sembles distinguer 2-3 silhouettes de cubes en bois se détacher d'une certaine partie vaseuse et qui pourrait être le fameux lieu de livraison. Donc, fameux lieu pardon, où les caisses ont été perdues. Donc les caisses sont vraiment enfoncées dans la boue ou comment ça Alors bah, tu les vois au loin. Et d'ailleurs ce que je vais faire pour être plus précis, c'est que je vais vous faire un petit screenshot plus serré de la carte pour vous indiquer à peu près l'endroit où vous vous trouvez actuellement et du coup par extension les caisses. Ouais, genre on a dépassé Bayonne ou c'est genre non pas quand même. C'est pas encore arrivé au niveau de Bayonne. On est encore dans la zone du delta quoi. C'est ça. Vous êtes sous Bayonne et à un moment voilà le chemin est coupé par une des parties du fleuve et c'est à peu près par là que se sont censés se trouver les caisses. En t'y rapprochant avec le reste du groupe, tu te fais arrêter par Renard. Renard, c'est la petite ferrailleuse qui a désormais travaille au niveau de la sacristie et qui, assez tôt durant votre traversée, ramassait un morceau de bois. Et alors que, du coup, toi, tu t'avançais tranquillement en direction des caisses, tu vois qu'elle le place au niveau d'un tas de feuilles qui se trouvait à quelques mètres. Enfin quelques mètres du coup à un mètre, c'est pas un bâton aussi gros que ça, et qui du coup le tas de feuilles lorsque le bois rentre en contact se referme d'un seul coup violemment les dents d'acier d'un piège à loup qui avait été disposé juste là. Vous tous là vous êtes un petit peu juste derrière et vous arrivez à peu près à ce niveau là, qu'est-ce que vous faites? À quelques mètres au loin vous distinguez quelques caisses. Bon, visiblement c'est piégé. Est-ce que je vois deux solutions? Est-ce qu'il nous reste une corde de notre traversée des Alpes? Non, La corde a fini au fond des Alpes. C'est vrai. Ça n'en est pas racheté d'ailleurs. La faute à qui? Le Mais paysage. La oui. dangerosité des lieux. Bon, bah, je pense qu'il va falloir déminer le terrain, tout simplement. Donc, bah, il va falloir trouver les pièges, tout simplement. Donc, je propose qu'on inspecte les endroits, les arbres, le sol aux alentours, voir s'il y a d'autres tas de feuilles, trouver des ficelles, je sais pas, dehors de trucs, n'importe quoi, et genre, essayer de se frayer un chemin jusqu'aux caisses. J'ai une question. Mmh. Est-ce que les vibrations de mon vocodeur pourraient activer des pièges, du moins les plus ceux qui sont, je sais pas, que la pulsion pourrait activer. Je suppose que tous non, ça serait bizarre. Mais je sais pas, soit qu'ils soient électroniques ou soit qui la moindre impulsion pourrait déclencher quoi. Je sais pas comment dire ça précisément. Pourquoi pas, oui, peut-être, mais il faudrait vraiment aller très très fort. Ce serait pas la petite impulsion du vocodeur, mais vraiment l'énorme onde de choc Ouais, donc ce qui serait pourrait pas forcément potentiellement en activer certains. et aussi bon je sais qu'on a fait beaucoup de bruit moi avec la moto mais quand même là c'est sûr on est repéré hein, si jamais tu fais ça là une présence à moins que tu fasses ça avec des ultrasons ou je sais pas quoi mais je sais pas si tu peux faire ça Non, hein. non, non, non, ça fait du bruit. Faux bourdon. Hein. Ça pose des C'est sûr pièges, ça. des faux bourdons? Pardon? Ça pose des pièges, des faux bourdons? Tu poses la question à qui? Sûrement à ceux qui vivent dans le coin. Tu vois Dobby qui s'arrête et s'assoit sur une espèce de souche d'arbre sur le côté du chemin, puisque vous êtes tous un petit peu fatigués là. Mine de rien, vous avez voyagé pendant quelques heures là. Bon, à ma connaissance, non. À mon avis, ça, on a plutôt affaire à des chasseurs ou à des bandits. Maintenant, à voir si le piège qui se trouvait là était un parmi tant d'autres qu'on pourrait croiser dans les marais, qui sert juste à récupérer deux, trois bestioles, ou s'il s'agit d'une volonté de la part de qui que ce soit de nous empêcher d'atteindre ce qui se trouve de l'autre côté. Mais bon, la spécialiste en piège à loup dans le coin, c'est Renard. À dire, ben, elle va marcher devant. ouais, ah non, mais ben, en vrai, on va pas foncer tête baissée. Je propose qu'on se mette tous à inspecter le terrain et que, ah, genre, qu'on examine juste les arbres, voir s'il n'y a pas de cordes ou ce genre de trucs, qu'on trouve pas des troncs suspendus ou ce genre de trucs. Enfin, vous voyez. On va demander à Rodar la meilleure stratégie pour détecter les pièges, si elle est spécialiste là-dedans. Où mon pied devrait servir, dit-elle en pointant la telle qu'elle a accrochée. Mais bien sûr. Après la jambe. Elle a une Non, jambe pas de après bois, la jambe. après là. Vous pouvez essayer de marcher dans mes traces et essayer de récupérer des bouts de bois ou des ficelles, comme disait votre ami. Ça devrait nous suffire. C'est pour ça qu'elle est spécialiste. À peine vous avez terminé de cette discussion, vous voyez déjà de son côté Lilith en train d'escalader les arbres des environs. Et de vous casser des branches qu'elle vous jette au sol. Pour rappel, elle est plutôt agile. Merci. Eh bien, on se met au boulot, j'imagine. Ok. Ouais. Donc, vous allez commencer la fameuse traversée. Renard en tête va commencer par poser son attelle devant elle, tandis que elle tapera des autres côtés avec son bâton. Derrière elle, vous tentez de marcher à peu près dans ses traces. Malheureusement, évidemment, ses pieds sont beaucoup plus que les vôtres, donc. Une zone sans risque n'existe pas. Heureusement, pareil, vous avez vos branches à taper dans le sol pour tenter de pallier à tout ce problème. Effectivement, ici et là, de nouveaux pièges s'activent. Un proche des buissons, l'autre juste derrière une pierre. Au loin, vous voyez même la carcasse d'un animal qui s'est fait prendre dans l'un d'entre eux et qui se fait dévorer par des espèces de mouches qui profitent de la carcasse justement de l'animal pour pondre leurs œufs également à l'intérieur. Vous avez des vers et des asticots qui font des allées et venues entre le cadavre et des zones plus éloignées entre les arbres. Malheureusement pour vous, lorsque vous approchez des caisses, vous réalisez que ces dernières ont déjà été ouvertes et sont complètement vides. Vous êtes cependant sûr qu'il s'agit des caisses que vous cherchiez puisque sur certaines des faces ont été peints le signe des Spitaliers. Et un peu plus loin, vous voyez également un bateau échoué sur la rive. En tout cas, les restes d'un bateau déjà qui, comment dire, qui s'est déjà fait petit à petit ensevelir sous la mousse. Mais quelque Genre, il est trop, enfin, il est complètement percé de partout, et il est inutilisable ou genre. D'ici, tu sais pas trop. Mais vu sa position, c'est possible. En t'en rapprochant, tu réalises en effet que de l'autre côté, il y a un énorme trou avec deux petits yeux qui te guettent depuis l'intérieur, sans doute une bestiole qui a lu domicile, puisqu'elle t'étale au moment où t'approches. Sa vie dans les marais, ce genre de bandit, ou il serait plus de Bayonne? Des gens qui vivent dans les marais, j'en connais pas grand. J'en ne connais pas beaucoup. Surtout si proche de Toulon, ça serait assez dangereux. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a, à mon avis. Par contre, si jamais on veut savoir ce qu'il en est, Bayonne est notre meilleure solution. Bon, c'est peut-être débile, mais un faux bourdon serait vraiment incapable de faire ça. Pas mais. Ça m'étonnerait qu'ils en soient capables. Et puis on commence à être un peu loin pour eux. Ils traversent Ah. rarement de là de Bayonne. Ils s'enfoncent rarement aussi profondément au loin des chemins. D'accord. Je dis pas que c'est pas possible, hein. De temps en temps, il y en a qui se perdent et qu'on croise dans les parages, mais bon. J'imagine qu'il faut aller vers Bayonne, du coup. Vous refaites le chemin inverse au niveau du pied sentier pour retourner jusqu'à vos montures. Là-bas, vous découvrez avec soulagement que ces dernières sont toujours toutes présentes et toujours attachées là où vous les aviez laissées. Vous en profitez donc pour remonter à leur niveau et continuer votre traversée jusqu'à Bayonne. Dites-moi si jamais vous planifiez quoi que ce soit durant le dit trajet ou est-ce que vous avancez juste sans trop réfléchir à ce que vous allez faire une fois arrivé là-bas. Moi, je sais que j'ai affaire à Bayonne, je ne sais pas pour le reste. Il faut que je contacte le serveur, comme il avait demandé. Moi, pour l'instant, j'ai rien à y faire, mais ça peut toujours être intéressant. J'ai rien à y faire non plus, mais pour ce qui est de notre affaire, j'imagine que une fois sur place, les premières personnes avec qui on devra discuter, ce sera des ferrailleurs et des apocalyptiques, essentiellement. Moi, personnellement, je pense que je vous laisserai si jamais. Enfin, je partirai peut-être un peu de mon côté si jamais. Vous continuez donc de partir en direction de la ville de Bayonne. Durant le trajet, Dobby vous demande la chose suivante. Dites-moi, Bayonne, vous connaissez un petit peu son origine ou pas? Pas du tout. Ah, ça devrait vous amuser. Vous voyez Renard qui se trouve également sur son cheval soupirer à ce moment-là comme s'il s'apprêtait à raconter une histoire qu'elle avait entendue déjà des dizaines et des dizaines de fois. Tandis que Lilith, elle, à l'inverse, ouvre les yeux en grand, elle semble adorer qu'on lui raconte des histoires. Lorsque les Néo-Libyens sont arrivés à Toulon et dans le sud de la Franca, ils ont commencé à investir à peu près l'intégralité des marais également. Ils envoyaient de nombreuses expéditions, leurs propres ferrailleurs, pour piller toutes les ruines et tout ce qu'ils pouvaient y trouver. Un jour, Dieu sait pourquoi, leur est venu à l'idée d'envoyer également des autobastions. Je sais J'ai pas si quoi? vous avez déjà vu des autobastions, c'est imaginer des espèces de grandes voitures comme on en voit parfois quelques carcasses sur le long des routes, flambant de neuf, qui feraient la taille d'un immeuble avec des roues géantes et qui avanceraient tout droit. Ils ont récupéré ça, Dieu sait où, et les Néolibyens s'en servent régulièrement pour investir différentes zones, que ce soit la guerre en Hybrispanie ou leur conquête en Pologne. Bon, En sauf que là, Pologne? il faudra vous mettre au goût du jour. Vous savez pas qu'ils ont traversé le pays de l'autre côté, par l'est. Il y a une voie qui relie l'Afrique à notre territoire. Alors, Ah les oui. Balkans et la Pologne, ils en feront qu'une bouchée lorsqu'ils en auront fini en Hybrispanie. J'en savais rien. Ouais. Malheureusement, leurs automations sont loin d'être parfaites. Déjà, justement, dans les 10 pays de l'Est, ils ont tendance à exploser de manière fortement étrange. Bon, évidemment, là, on parle de sabotage, mais ils n'ont pas eu besoin d'aide de qui que ce soit pour faire la même en Franca. Les marais auront eu raison de l'autobastion Mokbo. Il s'est embourbé à l'intérieur. Impossible de le redémarrer. Ils y ont passé des jours et des nuits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, à votre avis? Qu'on soit arrivé le tour. Eh ben, ils ont mis des filets de camouflage. Ils l'ont recouvert de feuilles et de branches d'arbres, en pensant que ça allait passer inaperçu. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant de nombreuses années, personne ne savait où se trouvait l'autobastion Mokbo. La plupart des gens ne savaient même pas qu'il existait. On pensait qu'il avait atteint le nord du pays et qu'il continuait sa traversée d'expédition et de reconnaissance à travers. Jusqu'à ce qu'un groupe d'apocalyptiques ne tombe dessus. Alors, ni une ni deux, ils ont déblayé tout ça. Ils ont envoyé leurs nuées et ils ont commencé à construire des murailles. Tant mieux pour eux en plus parce qu'il y avait un vieux port qui se trouvait à proximité. Alors ils ont retapé deux trois bâtisses et des gens ont commencé à venir. Les gens ont commencé à mettre de l'argent. Et des années plus tard, on se retrouve avec une vraie petite ville indépendante. Avec une forteresse imprenable. Et vous dites que les Africains ont laissé comme ça les apocalyptiques s'emparer d'un putain de bastion sans brancher, rien, même pas une taxe, un impôt. Une fois qu'ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard. Et puis, même s'ils le récupéraient aujourd'hui, le problème resterait le même. Mokbo ne pourra plus bouger de là où il se trouve. Maintenant, vous marquez un point. On ne connaît pas vraiment les détails de ces accords, mais on sait que Scarocante, la corneille de Bayonne, a 2-3 passe-droits avec les Spitaliers et sans doute avec 2-3 Néolibyens. En gros, c'est pas la pire nuée qui habite le sud du pays. Et les Africains craignent vachement plus les pirates ou les autres nuées noires qui se trouvent à l'intérieur de la Méditerranée que la petite nuée pacifiste de Bayonne. Alors ok, il y a 2-3 règlements de compte de temps en temps, quelques ventes d'armes et quelques trafics de brûlures, mais ce qui se passe à l'intérieur de Bayonne reste à Bayonne. En tout cas, pour nous, c'est l'endroit rêvé. Si jamais quelqu'un est tombé sur des médicaments d'hospitaliers, sans doute qu'il sera retourné là-bas pour essayer de le vendre beaucoup plus cher. On espère que ça passera. Et à ces mots, au loin, à travers quelques arbres et au niveau d'un virage, vous apercevez la grande silhouette de l'imposant, justement, Mokbo. Il se détache de son point d'origine. Justement, par sa grande taille, vous voyez, il surplombe les arbres au loin et vous avez le soleil qui commence à passer au-delà, justement, de toute cette forêt qui tape en plein milieu de sa structure et qui vous reflète une vieille carcasse complètement rouillée sur laquelle a été peint le symbole des apocalyptiques. En plus de ça, et de l'image que vous avez peut-être déjà vue que je viens de poster, vous avez tout autour de nombreuses structures qui ont été fabriquées. Puisque vous êtes sur le point d'arriver en ville, vous voyez sortir de sa poche un papier complètement humide, à moitié déchiré, griffonné, appartenant à Dobby. C'est la carte de la ville, si jamais ça vous intéresse. Je l'avais récupéré il y a quelques années auprès d'un type qui traînait là-bas, alors bon, faites pas trop gaffe aux proportions, mais dites-vous que ça vous donnera une bonne idée de ce qui s'y trouve. Sur cette fameuse carte, vous voyez en effet deux, trois traits assez grossiers qui représentent pour commencer le chemin brûlé sur lequel vous vous trouvez actuellement. Suivi d'un pont qui mène justement à l'intérieur de la ville. La ville en effet semble être constituée d'un vieux port avec au loin une mini colline où doit être visiblement complètement bombé l'autobastion. D'ailleurs, vous vous dites que si l'autobastion dépasse autant à votre niveau, c'est que ce qui doit se passer, se trouver sous terre, doit être vraiment imposant. Du coup, il soit impossible à soulever. Ça vous donne un peu une idée de la puissance de certaines des technologies des Néolibyens et des fléaux et de tout ce qui doit s'y trouver. En fait, ça a quand même l'air plus d'un village par rapport à Oui, Toulon, non? c'est beaucoup plus petit que Toulon. Hein. Vraiment, ça ressemble à un morceau de port avec au loin des arbres et quelques centaines de bâtisses qui ont été construites. Mais c'est vraiment de vieilles baraques en tôle qui servent de nid à des apocalyptiques et autres ferrailleurs. Vous arrivez donc au niveau du pont branlant qui sert d'entrée à Bayonne. Vous avez donc de nombreuses plaques de métal qui ont été soudées les unes aux autres par des ferrailleurs et qui permettent de traverser l'affluent qui passe dessous. Le tout donc relié à la seconde partie qui se trouve donc vraiment en plein cœur des marais. Tout autour, vous n'avez plus rien, hein, pas la moindre route, pas la moindre tour de guet, rien. Il y a vraiment au-delà du chemin brûlé, à travers les marais, simplement juste Bayonne, la ville de Bayonne. À ce niveau-là, vous avez des apocalyptiques armés qui gardent l'entrée du pont et qui vous demandent de vous fouiller avant de pouvoir passer. Est-ce que vous protestez ou est-ce que vous vous laissez faire? Je passe pas en premier, je regarde à quoi ressemble la fouille. Bon, après tout, c'est qui nous ordonne ça, qui nous fouille, qui nous fait quoi? Bon, si c'est eux qui font la loi ici, enfin, s'il y a de la loi ici, je vais me laisser fouiller. Un peu méfiant. La fouille a l'air assez, comment dire, plus symbolique qu'autre chose. Les apocalyptiques vous posent également quelques questions. Vous voyez, ils ont des looks presque de marins de Toulon et ne semblent pas vraiment trop dénoter la population que vous avez l'habitude de voir. À part peut-être les armes qu'ils portent, de type grand couteau ou éventuellement l'un d'entre eux un pistolet. Ils vous demandent ce que vous venez faire en ville. Dites-moi globalement, chacun d'entre vous, ce que vous leur répondez à ce moment-là. Des affaires. On est venu chercher, oui, des affaires qui nous appartiennent. Vous voyez, ils vous tâtent seulement ici et là et demandent à ouvrir deux, trois sacs. Mais rien de bien méchant, on vous laisse passer. Est-ce que, vu que c'est des policiers apocalyptiques, s'il n'y a pas de bonjour dans mon sac, ils nous tapent dessus? Il n'y a pas de drogue? Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Je ne peux pas rentrer. Vous arrivez donc à travers le pont qui, vous avez l'impression, manque de s'écrouler à n'importe quel moment sous votre poids. Vous arrivez au niveau donc d'un espèce de grand mur défensif de plusieurs mètres de haut et qui est constitué de grands pieux en bois pointu et tout autour a été accroché à des barbelés légèrement rouillés qui visiblement empêcheraient n'importe quel intrus de passer autrement que par le pont. Les apocalyptiques qui vous ont laissé passer semblent quand même avoir été assez choqués par Flux lorsqu'il est arrivé. Sans avoir découvert ce que cette personne avait sur elle, ils n'ont vraiment pas l'habitude de voir des chroniqueurs. Alors déjà qu'un chroniqueur à Toulon, ça se fait remarquer, dans une petite ville comme celle de Bayonne, Efflux ne pourra clairement pas passer inaperçu. Vous avez également des douves qui ont été creusées aux endroits où les affluents n'allaient pas naturellement. Ce qui vraiment laisse présager que cet endroit est assez sûr. Même si les faux bourdons ont le volet, ce serait très compliqué pour eux de passer à travers. Sans doute donc, une fois à l'intérieur, l'huile de Marduk n'est pas obligatoire, c'est sûr. Vous arrivez ensuite au niveau de la zone qui est indiquée en numéro 3 sur votre carte. Je sais qu'elle n'est pas très lisible, en tout cas je ne l'ai pas trouvée très lisible personnellement, mais c'est la meilleure qualité que j'avais. Bon, la zone numéro 3 est simplement en fait le port en général, puisque vous... traverser, enfin vous allez longer ce dernier. Et c'est là que vous allez un peu choisir où aller. Et donc du coup, ce que je disais, le port qui s'appelle donc le port des Bruits, et vous raconte en tout cas Dobby, qui vous fait un petit peu toute l'histoire de la ville, puisqu'il a l'impression, en tout cas, il vous donne l'impression qu'il est déjà venu ici plusieurs fois. C'est ici que la plupart des expéditions qui vont se rendre dans les marais commencent. En tout cas, pour nous autres ferrailleurs et pour eux autres. Apocalyptique. Toulon est plus devenu la meilleure place pour nous, alors de nombreuses fois il nous arrive d'acheter des informations illégales pour essayer de couper l'herbe sous le pied à ces maudits ferrailleurs d'Africa, et c'est ici qu'on va acheter ce dont on a besoin. Vous avez ici quelques brise-marées qui sont chargées, réapprovisionnées, comme celui qu'on a croisé tout à l'heure qui s'était échoué sur la voie. Le brise-marée, pour information, lorsque vous le voyez, ce sont des grands bateaux, enfin plutôt des grandes barques, sans voile ni rien, avec quelques rames, qui semblent être le moyen de placement privilégié pour traverser les marées. Sachant que vous en avez quelques petits qui semblent vraiment à la taille de barque et d'autres qui ont l'air relativement plus grands, avec même des intérieurs et qui sont là sans doute pour acheminer de grandes cargaisons à travers tout le pays. Donc nous y voilà, Bayonne, le centre de toutes les opérations clandestines se déroulant le long du Rhône. Où est-ce qu'on commence? À ce moment-là, au loin, vous voyez donc des tas de gens, comme je disais, beaucoup de ferrailleurs, beaucoup d'apocalyptiques qui semblent être la population la plus présente en ville, affluer, discuter au niveau des docks, construire les parties de ces derniers qui se sont effondrées ou qui ne sont pas complètement terminées. Les docks sont vraiment un endroit assez pitoyable, hein, c'est assez crasseux comme coin, mais on y vit bien en fait, c'est simplement une ville apocalyptique. Moi, je sais que je dois aller à Bayonne pour me connecter, du coup, pour faire mon premier rapport. Est-ce que je regarde mes notes, mais je vois pas de lieu indiqué spécialement. Est-ce que c'est genre juste dans Bayonne, je peux activer la radio ou Oui, c'est... il faut que tu sois. En fait, vu que c'était une histoire de portée, tant que tu es aux alentours de Bayonne, tu auras la portée en question. Donc, techniquement, tu aurais pu le faire depuis les marais. C'est juste que c'est peut-être pas le plus pratique. Ok. Bon, du coup, bon, ça sert à rien de commencer par ça. Je pense qu'on le fera sûrement le soir tombé. On va pas embêter les gens avec ça tout de suite. Mais il faudra que je le fasse assez rapidement quand même. Si jamais ça vous intéresse, pour commencer vos recherches en ville, je peux vous proposer qu'on se sépare dans différentes zones et qu'on se retrouve ici dans, je sais pas moi, 1 heure pour essayer de voir si quelqu'un aurait trouvé une information concernant les dites caisses. Et justement, là-dessus... Moi, je connais deux endroits où les gens sortent tous les ragots du monde. Les tavernes et les marchés. Est-ce qu'il y en a un des deux? Est-ce qu'il y a les deux? En taverne, oui, on va voir le terminal de récupération, comme on l'appelle. C'est une espèce de marché couvert, on va dire, bâché. Tu vois qu'il te le montre au loin. C'est le numéro 5 sur votre carte. Donc, tandis que vous marchez le long des docks, vous passez à son niveau. Donc un marché couvert qui a été planqué sous des bâches et où les gens de passage en profitent pour faire un peu de troc. Normalement, ça sert plutôt à faire des expéditions et c'est là que vous trouverez tout ce qui est fil de cuivre, caisse, antenne, poudre à canon, boîte de conserve, etc. Vraiment du bric-à-brac. Qui sait, peut-être que quelqu'un a décidé de commencer à vendre des médicaments. Pour l'auberge, vous m'avez dit, vous allez avoir la griffe des marais. Là ? La griffe des marais. On l'a croisée à l'entrée, c'est une espèce de grand bâtiment, vous n'avez pas pu le manquer. C'est d'ailleurs la seule auberge de la ville. La plupart des voyageurs qui passent par Bayonne ou qui viennent du nord du pays s'arrêtent ici pour trouver des lits. Je pourrais pas les qualifier de confortables, on va simplement dire qu'ils s'arrêtent ici pour trouver des lits. C'est sans doute une des auberges les plus pittoresques que vous avez vues, et pour autant, le prix là-bas est loin d'être excessivement bas, puisque c'est la seule de la ville, et ils en ont profité pour augmenter ça au possible. Mais bon, ça va être le meilleur endroit pour trouver des chasseurs, des ferrailleurs, quelques marins, 2-3 marchands, une pie ou deux. Que voulez-vous de plus? Sinon, je vous aurais bien proposé de nous rendre jusqu'à l'autobastion, mais évidemment, il est inutile de vous proposer qu'on n'a aucune chance qu'on nous laisse rentrer à l'intérieur. Qui c'est qui réside du coup? C'est la Corneille, la fameuse, comme on t'a dit tout à l'heure, Scarocante. Scarocante, c'est bien ça. Et donc, c'est vraiment, t'es en train de me dire que, enfin, bon, j'ai bien vu que c'était des apocalyptiques, mais des apocalyptiques qui font la loi ici. On peut dire ça comme ça, oui. Une ville. En réalité, il n'y a pas vraiment de loi à proprement parler. Si jamais ils font avec quelqu'un dans une taverne, on te demandera de sortir et vous aurez simplement qu'à vous descendre à l'extérieur. Ouais, je comprends pas. Comment ils font pour survivre en fait? Ça fait même pas un an qu'ils existent. Ils peuvent non, pas. Non, ça va faire quelques années qu'ils sont là. Et comment ils font pour vivre dans la durée s'ils n'ont pas de loi? Ah, vous savez, visiblement. Les choses ont l'air de tourner. Hein. Regardez là-bas. Il te montre un groupe de bûcherons avec des grands bandanas, torse nu et leur hache sur les épaules qui s'apprêtent à partir en direction des marais. Eux, ils vont passer la journée à couper des arbres. Ils vont le ramener ce soir et échanger tout ce qu'ils auront récupéré contre quelques piécettes. Et ce sont ils vont se faire voler parce qu'il n'y a pas de loi. Ils vont se faire voler parce qu'il n'y a pas de loi. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est bien ce que je me disais. À ce moment-là, vous voyez de l'autre côté Dobby se retourner vers vous et lâcher une espèce de grand soupir, comme s'il venait de prendre sur lui. Bien, du coup, on se sépare. On va Ouais. pouvoir se séparer. J'aimerais bien me rendre à la taverne si ça vous dérange pas, mais je pense que ça pourrait être cool qu'on s'y rende à plusieurs. De toute façon, on est trop pour fouiller tous les recoins de cette petite ville. Allez là simplement. Allez. Je t'accompagne. Quand tu dis ça, il sort une clope et il l'allume sans sourciller. Je peux t'en taxer une? Il te regarde sans rien dire. Je te passerai, je te boirai, je te paierai un coup. Il t'en sort une. Merci. T'aurais pas du feu par hasard. Alors, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, c'est maintenant. C'est pas Renard qui vous en dira autant que moi sur l'endroit. Ça va. Merci beaucoup, Dobby. De toute façon, on se retrouve dans 1 heure si on a besoin de plus d'indications. Ouais. Désolé, hein, j'ai comme qui dirait l'impression que finalement notre aide à travers les marais vous sera pas d'une grande utilité, mais. Oh, sait-on jamais, sait-on jamais. Mais dans tous les cas, vous avez fait ce que vous avez à faire. Ouais, et puis bon, bah, de un, les caisses se sont échouées pas si loin que ça du chemin, et puis de deux, elles étaient vides. Enfin, si on peut au moins vous aider à les retrouver, ce serait déjà ça. Exact. Je vais tous vous demander donc de me dire où est-ce que vous allez aller, quel groupe vous allez faire et quels sont les types de populations que vous allez interroger. Tu commences par nous, du coup? Ouais. Et bah, tout le monde, les ivrognes, les pies, même s'il faut, toujours en payant, bon, dans la limite de ce que je peux, hein, j'ai que 65 dinars, mais en donnant quelques pièces par-ci par-là, et du coup, enfin, même l'aubergiste, du coup, si c'est une auberge, hein, c'est pas juste une taverne, hein, Et c'est ça, c'est une auberge et taverne. En fait, c'est une auberge au rez-de-chaussée et à l'étage, t'as simplement un grand dortoir avec plein de paillasses qui ont dû être déposées sur lesquelles on laisse les gens. Ouais. Ok. Bah, du coup, l'aubergiste, les clients, même les mercenaires, comme t'as dit, enfin, t'as dit qu'il y avait des chasseurs ou quoi, genre de trucs, tout le Il monde. y a des sœurs, des bûcherons, Bon, chasseurs. Comme tu dis, mercenaires, il y a vraiment de tout. Ouais. j'interroge pas tout le monde ouvertement, personnellement, en mode bonjour, vous avez, mais genre, voilà, Ouais, c'est tu pour trouves ça, deux, tu. trois personnes un peu isolées à qui poser des questions. Voilà. Et du coup, enfin, sur deux sujets principalement. Ah ouais. Les médicaments, genre est-ce que récemment il y a une cargaison qui est arrivée en ville, genre de truc, est-ce qu'on peut en trouver, genre de truc, et faire les descriptions de ce que je sais de mes, comment dire, des personnes que je recherche, et juste savoir si elles les ont déjà vues en ville, si elles les ont déjà vues passer il y a très longtemps, quoi, s'il y a une personne qui correspond, voilà. Et Ok. bon. S'il faut, ouais, je veux bien claquer toute ma thune, quoi, mais genre, s'il y en a qui est plus résistant, qui est plus. Très bien. Alors, je Voilà. vais te demander un petit jet. J'aimerais un jet d'investigation, mais je ne sais pas trop ce qui est le plus approprié. Je crois. Ça pourrait être un truc de charisme. Peut-être qu'un charisme expression pourrait marcher. Ouais, c'est ce que j'allais dire, expression, peut-être? Ouais, vu que l'expression c'est un petit peu comme ça va être. Non, je pense que ouais, c'est. Je vais te laisser un petit jet de charisme expression. Je peux utiliser un point d'ego. Oui, bien sûr, ouais. Et j'allais dire, tu peux même au-delà de ça me mettre un dé supplémentaire si jamais en effet tu dépenses quelques dinars. Ah bah, dans ce cas-là, je vais pas dépenser d'ego, je vais dépenser juste des D'accord. dinars. Donc, je sais pas, là, j'en ai 65, combien t'estimes à peu près? Genre une vingtaine, une trentaine, une dizaine. Je sais Je pas trop dirais l'idée de quoi pour la une valeur d'un dinar. dinars, je te laisse un dé supplémentaire, ça aide à délier quelques langues. Bon, allez, t'as dit combien? Une vingtaine? Une quinzaine. Bon, bah, allez, c'est parti pour 15 dinars. Hop, je note moins 15 dinars. Et je te laisse me mettre deux dés supplémentaires. À deux? Ouais, je fais deux dés, tu étais assez précis dans ce que tu voulais faire, ça. Ok. Alors, du coup, charisme et expression. Donc, charisme, j'ai deux, expression, trois. Ça fait 7 dés, donc je relance un. Ok. Deux réussites et deux têtes de mort. Ok. Je reviendrai à toi plus tard. Je vais d'abord laisser les autres me dire ce qui est influx, mon gauche, qui veut se lancer. Bah, connaissant mes capacités sociales, je pense que je ne vais pas aller interroger grand monde directement. Je pense que je vais surtout accompagner quelqu'un qui aurait besoin de défense, par exemple. C'est mieux. Allez, viens avec moi, ça va aller. Moi, ce que je voulais viser. Alors, ah ouais, mais du coup, ça m'arrange pas. Ça aurait été très sympa que tu puisses aller au marché. Tant pis, on va faire les deux. Je voulais voir les espèces de gardes de la ville. Parce que voilà, vu qu'ils fouillent, etc., pour moi, ils regardent un peu qui rentre, qui sort. Je voulais aller les voir et du coup, bah, pareil, demander. S'il n'y a pas. Voilà, toujours sans demander directement, hey, j'ai perdu une caisse, vous savez qui l'a, mais voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui récemment s'est mis à vendre des médicaments, ou est-ce que voilà, vous avez entendu une histoire de la Sarthe? Et une fois fait, bah, du coup, je me dirigerai vers le marché pour aller demander la même chose, mais je ne sais pas exactement comment se présente le marché. Mais voilà, déjà, je sais que je voulais aller voir les gardes. Je ne sais pas si tu le fais en deux temps, du coup, pour moi, ou si on Je vais fait. faire ça dans un premier temps avec un test de charisme expression également. Pareil, si jamais tu veux leur balancer quelques piécettes pour avoir un bonus. Ouais, allez, je balance quelques piécettes, ces Bon, apocalyptiques. chez les apocalyptiques, c'est assez courant de Ouais. rémunérer le moindre petit service. Ça fait combien de débonus, du coup, quelques piécettes? 1, 2, 1. Bah, ça dépend combien de piécettes t'as mis. Je te dis ça, 2 secondes, je ne sais Disons un jamais. dé, j'en accorde des deux à Jacquard parce que Jacquard était Ouais, non, non, je très demande. précis sur son roleplay. Là, en effet, c'est un petit peu plus vague. Ah, Oui, mais il n'y a pas de souci. même Surtout, si je il demanderai me avec 2 questions, semble. je n'en ai qu'une seule. Du coup, ça va être. Ouais, je vais mettre 5 dinars, je pense. Sauf si je vois vraiment la gueule pour 5 dinars, il faut mettre plus. Je connais plus les modalités, mais il me semble que ta combinaison de chroniqueurs te donne en effet un bonus de pression, qu'on Ah, oublie souvent. problème, c'est que ce n'est pas la première impression parce qu'ils m'ont déjà fouillé il y a 2 secondes. Je sais pas Ouais, si. mais je considère quand même, dit-on à peine vu, je considère que ça fait partie de la première interaction sociale, quoi. Je vais pas insister pour dire non, ça me va. Non, ça me paraît. Ok, donc l'armure Pas et mal ici, on n'a pas l'habitude de voir les chroniqueurs, donc ça impressionne. Ok. Donc ça fait combien de débonus avec les dinars et la combi? En tout Désolé. deux. Ok. 5 réussites et 2 déclencheurs. Ouh là là. Très bien. Et du coup, toi, Mokoche, tu décides de te rendre au niveau du marché, c'est ça? Ben, si Flux me dit qu'il vaut mieux qu'on optimise, oui, je vais par là-bas. Non, je lui dis juste de frapper personne. S'ils te disent non, c'est pas grave, ok? Voilà, juste. Ça tombe bien parce que sur la route du marché, Mokoche, il y a Lilith qui te propose quelque chose. J'ai compris du coup de votre discussion que le social n'était pas trop ton fort. Mais je me disais, on pourrait toujours isoler un gars dans une petite rue ou autre et sans s'en prendre à lui directement, lui faire croire qu'on pourrait. Avec ta gueule décharnée, ça devrait marcher. Vous avez Renard d'ailleurs avec vous qui pipe pas un mot. Pour commencer, quelle gueule décharnée? Cette espèce de croix que. Enfin voilà, t'as des cicatrices, on voit que. Non, on va éviter de poser trop de problèmes. Même si on lui fait juste un peu peur? On pourrait avoir à revenir plus tard. Ok. Vous vous rendez du coup au niveau de ce petit marché un peu couvert, comme je disais, il y a des bâches qui ont été accrochées un peu dans tous les sens, qui permettent aux gens de se protéger un peu de la pluie et de l'humidité ambiante, même si là pour l'instant, les gouttes ne font aucun signe d'elles. Et vous avez donc ces marchands. Qui ont pareil bien l'allure d'apocalyptique mélangé à du marin, des gens avec des dents moins un peu crasseux qui gueulent lorsque les gens passent pour leur proposer des babioles qu'ils ont pu récupérer ici et là dans les ruines à bas prix. Vous faites le tour du marché et aucun signe d'un quelconque marchand de médicaments. Il n'y a pas donc dans ce marché quelque chose, un stand ou quelque chose comme ça qui se rapprocherait de quelqu'un qui a l'occasion pourrait vendre des médicaments, même si c'est pas dans le... même si c'est pas le cas actuellement, mais qui serait dans le même domaine, quoi. Si en effet t'as une personne qui a l'air de vendre des bandages et des trucs comme ça. Ouais, Pas des de plantes médicaments, médicinales. mais il y a des fournitures médicales entre des groupements de clous rouillés et ce genre d'affaires. Bah, on va, je vais voir cette personne en priorité, je pense. Ok. Tu vois, c'est une espèce de dame assez imposante qui a une allure de cuistot sur un. De, ouais, ça, de cuistot avec des vêtements complètement sales, machin. Même si, bon, visiblement, son stand ne colle pas du tout à sa stature. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bonjour, on veut des médicaments. Oula, des médicaments, j'espère que vous êtes fortuné, parce que de ça, on n'en a plus. Mais si vous voulez, je peux vous proposer quelques feuilles de tabac. Non, j'ai besoin de vrais médicaments. Je vous ai dit, les médicaments, j'en ai pas, mais j'ai toujours quelques bandages, du fil dentaire et j'ai même du maïs, si vous voulez. À ce moment-là, elle se dirige au niveau d'une caisse qui est posée sous son stand, elle te ressort deux, trois épis. Non, Vous en je voulez, veux. hein? Pour les enfants, là. Non, justement, c'est pour l'enfant que j'en ai besoin. Regardez sa tête décharnée. Il me faut des vrais médicaments. En fait, elle regarde du coup la petite Lilith avec son nez cassé. Et... Vous savez, je crois pas qu'il y ait vraiment de médicament à ça. Hein. Où est-ce que Mais. je peux en trouver? Fais-moi un petit jet de. Charisme, plutôt de négociation là. C'est pas mon habitude, donc ça me sert à rien. Une réussite qui est un déclencheur. Si vraiment vous voulez. Trouver des médicaments, vous devriez plutôt fouiller au niveau de l'autobastion. Ce que je peux vous dire. D'accord. Maintenant, si jamais vous n'êtes pas intéressé par du fil dentaire, des bandages ou du maïs. C'est combien pour un peu de maïs? Deux épis. Oh. Allez, je vous le fais pour 4 dinars. Très bien. Parce que Et vous m'êtes vous? sympathique. Et que la petite a vraiment une sale gueule. On est d'accord. Je lui donne mec. Tandis que vous repartez, t'as Lilith qui mange son maïs sans rien dire, c'est juste en grand blanc un peu. Tandis que voilà, Renard, elle, continue de ne rien dire du tout également. Elle a l'air de seulement parler, elle, lorsque c'est absolument nécessaire. Comme si la moindre. Je lui donne le second épine à Renard. Tu vois qu'elle te remercie en hochant la tête et pareil, va commencer à le manger. C'est pas des enfants qui ont l'habitude de manger ce genre de trucs qui sont plutôt. De ton côté, Flux, les apocalyptiques à l'entrée te demandent de les suivre et t'amènent un petit peu à l'arrière, à l'ombre, derrière l'auberge, justement, plutôt derrière la taverne. Oui, auberge, taverne, les deux fonctionnent. Donc, la grive des marais. Grive, hein, pas griffe. Au début, ça avait l'air très amical, mais vers la fin, tu commences à te demander si tu ne te serais pas mis dans une certaine mouise, puisque ils sont presque en train de t'encercler. On voit pas souvent des gens comme vous par ici. Non, j'ai cru entendre ça. Et en plus, vous posez quelques questions. Oui, j'aime bien ça. Ils sont où, les gens de tout à l'heure qui vous accompagnaient? Un peu partout en ville, hein. D'ailleurs, juste à côté, là. Je montre la grive, la taverne. Vous devriez leur dire au revoir. On aimerait vous emmener dans un coin un peu plus tranquille où le boss pourrait vous parler. Il nous a toujours dit que si jamais il y avait des gens dans votre allure qui passaient les portes, il fallait qu'on vous y amène. Dans le bastion? C'est cela. Et comment vous dire que on vous laisse pas vraiment le choix, si jamais c'était la question. Si jamais il apprend qu'on a laissé le premier chroniqueur qu'on croise dans le sud de la Franca depuis des dizaines d'années partir après avoir posé ces quelques questions. Oh, croyez-moi, vous voulez pas savoir comment finissent les gens qui déçoivent le Scarocante. Non, eh bien, soit. Je vous suis. Et tandis que le principal dit ça, tu sais, tu en as un autre sur le côté qui répète un peu à la fin des phrases. Oh non, vous voulez pas savoir comment ils finissent, les gens qui déçoivent le Scarocante. Comme pour se donner un peu de poids. De ton côté, Jacquard, tu fouilles l'intérieur donc de la taverne, enfin fouilles dans le sens figuré, tu poses des questions quoi, et tu n'obtiens malheureusement aucune information sur un quelconque chargement. Par contre, en donnant un peu d'argent auprès d'une pie, elle te dit qu'elle pourrait peut-être te renseigner sur les gars dont vous me parlez là. Je pense bien qu'il y en ait un en ville. Lesquels? Les jumeaux? Ouais, ça pourrait être bien lui. Comment? Des blonds? Des roux? Un blond. Un petit blondinet avec une étrange marque au niveau du front qui vient passer me voir de temps en temps après son boulot. Combien tu veux? C'est bien, hein, pas besoin de faire de détour avec vous. Franchement, c'est pas mon client le plus régulier, alors pour 50 dinars, ça devrait le faire. 50 dinars. Alors, j'imagine que tu vas me rire à la gueule si je te demande si tu acceptes les lettres de change. En effet, tu vois qu'elle rigole un peu. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Les lettres de change, je pourrais directement me moucher dedans. Que ça aurait pas plus de valeur. Que si je les filais à n'importe quel type des environs. Bon, je vais pas te mentir, je suis assez sec en termes de dinars. Il m'en reste, je regarde ma bourse, 42. Alors, on peut s'arranger. Pour 8 pauvres dinars. Pas d'argent, pas d'infos. À ce moment-là, Alors, attends, je vais fouiller mes poches, j'en ai peut-être 3, tu 4 fouilles tes piles. poches au milieu jusqu'à ce qu'il y ait Dobby qui débarque. Écoutez, j'ai pas pu empêcher d'écouter ce que vous disiez. J'ai les oreilles un peu baladeuses et Louis est plutôt fine, si vous voyez ce que je veux dire. Et il sort de sa poche 20 dinars qui collent contre le comptoir. Ça devrait finir à payer ce que tu lui dois. Merci. Mais maintenant, c'est toi qui m'en dois une. Je t'avais dit que je te paierais un coup. Enfin, mais maintenant un peu plus, on va dire. Bon, bah du coup, je mets 30 dinars. Ouais, il y a un des bûcherons. Étrangement, lui, il retire jamais son bandana. Si jamais vous les croisez, il l'appelle le nouveau. Vous pouvez pas le manquer. Ok. Et tu sais où est-ce qu'ils se mettent plutôt dans la ville? Enfin, même dehors, ils ont un petit coin à côté. Ils ont Pardon? dû partir dans les marais, là. Vous les ratez de peu, mais ils reviendront plus tard. Demandez Plus tard. simplement le nouveau. Plus tard, quand ça? Dans la soirée. Un peu avant le coucher du soleil. Et tu sais par où ils partent? Ils passent par le chemin brûlé ou bien ils servent Généralement, ils à... passent par le chemin brûlé, ouais. Mais peut-être qu'ils sont partis au nord aujourd'hui, je sais pas trop. Ils me l'ont surtout dit, mais j'ai sans doute pas écouté la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça plaît. Je pose 5 dinars. T'es sûr que tu peux, enfin, t'es sûr que tu peux pas t'en souvenir? Suis sûr que je sais pas où il est parti. Mais je vous ai dit, attendez ce soir, il sera de retour. Ici. Et qui c'est le nouveau? Ou ici, ou à l'entrée de la ville. Écoutez, si jamais il vient me voir, je vous appellerai. Marché conclu. Je suis dans ma main. Elle te la serre. Il y a Dobby qui te fait quand même. Je pense que je vais rester ici au cas où il revienne. Si jamais il aperçoit un juge et risque de prendre peur, dis aux autres que je les retrouverai plus tard. Et Très puis, bien. il récupère les 5 dinars de plus que tu avais posés sur la table. Et en attendant, je vais aller prendre mon verre. Un peu plus tard, vous vous retrouvez à peu près tous vers l'extérieur de la ville. Enfin, l'extérieur, pardon, l'extérieur de la taverne pour toi. Enfin, c'est du coup Efflux et oula, pardon. Efflux, j'imagine que tu. Je crois que je me suis perdu. Je sais plus ce que je t'avais dit à ce moment-là. Est-ce que tu as demandé, insisté auprès des apocalyptiques pour attendre le reste du groupe ou tu as décidé d'y aller seul avec eux? Moi, j'ai dit que je les suivais. Ok, d'accord. Eh bien, du coup, vous ne voyez pas Efflux. D'accord, si t'étais pas avec toi. Au départ, oui, mais m'envoyer m'occuper du marché. Et tu sais ce qu'il est parti faire? Je t'avoue que j'ai pas trop écouté. Mais il devrait être là. Normalement, il est réglé comme une horloge, non? Enfin, c'est un robot. Oh putain, je viens de dépenser 30 dinars pour chercher un mec, je vais pas recommencer pour en chercher un autre. Ah bah attends, y a pas besoin de chercher loin pour un chroniqueur, ça va se repérer. Là, je me retourne juste vers la première personne qui passe. Et Tu vous avez vu un chroniqueur? portes un sac à patates. Oui. Vous avez vu un chroniqueur? Ah bah pour sûr que je l'ai vu. Il était escorté par un groupe d'apocalyptiques, les types de l'entrée là. Vous savez, ceux qui arrêtent pas de nous toucher de partout. Ils l'ont conduit droit jusqu'au truc là-bas. Et puis vous pointe l'autobastion. Vous savez s'ils y sont toujours? Si quoi? S'ils y sont toujours? Ou ils sont revenus à l'entrée? Ouais, j'imagine, je viens de les croiser là. Vous les ratez de peu. Ah, ils sont à l'entrée maintenant. Ok. Bon, oui, j'imagine. Courez, vous les rattraperez peut-être. Merci. Merci beaucoup. Tu vois, c'est facile. Ouais, comme quoi, peut-être que j'aurais pas eu besoin de débourser autant. En effet, en accélérant un peu le pas, au loin, alors que vous arrivez à proximité de l'entrée de Mokbo, enfin de l'entrée de Mokbo, on va dire de la partie entourant l'autobastion, vous voyez une espèce de grande porte avec la silhouette d'une bonne dizaine de personnes, dont Efflux avec sa capuche et sa cape. Et les morceaux de son masque qui dépassent, cette espèce donc d'étoile qu'il a, vraiment reconnaissable. Eh ben on Et va en en accélérant encore un peu plus, vous arrivez jusqu'à son niveau. Et bah les voilà, vous avez retrouvé vos petits copains. Qu'est-ce qui C'est se passe? un des apocalyptiques, celui qui avait prétexté, enfin qui avait dit à Flux que les, enfin qui avait demandé à Flux où les autres étaient. On peut savoir ce qui se passe? Oh, on va voir. On va voir la patronne. Le patron. C'est-à-dire Autant pour moi. nous? Le patron. On, ça veut dire nous ou ça veut dire toi? Vous pouvez venir Ah, si c'est vous moi à la voulez, mais base. Carocante vous demande de Et rester dehors, alors vous aurez intérêt à l'écouter. bah j'imagine qu'on va pas faire chier ce scarocante. Oui, il vaut mieux pas. Oh non, il vaut mieux pas. Oh non. Bon, bah, j'imagine qu'on va les suivre du coup. En effet, vous les suivez jusqu'à l'entrée de l'imposant Autobastion. Il a l'air encore plus grand de près et vous comprenez le danger que représente l'assaut de ce genre de truc. En effet, vous voyez des espèces de tourelles à l'allure helvétique dépasser des morceaux de ferraille et le blindage a l'air complètement surrenforcé au possible. C'est un véritable bunker sur roues. Qui s'est enfoncé là. Les apocalyptiques ont l'air de vraiment s'être approprié l'endroit et on vous dirige jusqu'à l'intérieur. L'intérieur, c'est une espèce de dédale très militaire ou ce sont qui pardon qui a été qui s'est complètement fait réapproprier par les apocalyptiques. Du coup, ça tranche pas mal avec justement cette allure très droite et très froide, tout cet aspect bordélique des apocalyptiques qui en ont rien à faire de maintenir l'endroit en état et font ce qu'ils peuvent et simplement vivent là où ils le veulent. À terre, vous voyez par exemple des restes de morceaux de bourgeons de brûlure que les gens écrasent à chaque fois qu'ils passent. Le sol semble pas avoir été lavé. Pour autant, vous avez vraiment la sensation actuellement d'être dans un endroit qui vous domine complètement, jusqu'à ce que vous arrivez vers une presque une espèce de mini salle du trône où une espèce de grand fauteuil en fer sert de siège de commandement au chef des lieux, Scarocante lui-même, qui actuellement discute avec d'autres membres de la nuée. Derrière, ils ont l'air d'avoir une espèce de grande table sur laquelle ils ont dû sans doute placer une carte des environs et bon, Dieu sait ce qu'ils font à l'intérieur des marais. Chef ! À ce moment-là, l'un d'entre eux se retourne. Vous voyez, c'est un homme avec une mâchoire assez impressionnante, un grand manteau en fourrure qui lui tombe jusqu'aux pieds. De nombreux tatouages et des sourcils très froncés qui marquent vraiment ses expressions. Vous voyez que c'est clairement le genre de type avec lequel on déconne pas. Regardez ce qu'on a trouvé, disent-ils en envoyant un flux quelques mètres devant lui. Eux, de leur côté, ils se replient et vous laissent, vous autres, pareil, quelques mètres en arrière. Scarocante, lui, esquisse une espèce de grand sourire qui dévoile une mâchoire complètement défoncée, il lui manque de nombreuses dents. Eh bien, dites-moi ça. Un chroniqueur depuis les années que j'en cherche. Qu'est-ce qui vous amène en ville ? Ah, j'ai perdu des affaires et je cherchais à les récupérer. Et bah ça alors, ça nous fait un point commun. Qu'est-ce que vous avez perdu, monsieur le chroniqueur ? Une cargaison de médicaments qui appartient à des hospitaliers. Ouais, je pourrais peut-être savoir où est-ce qu'elle se trouve. Très intéressant. Ouais, vous voyez, le souci, c'est que ici non plus, on n'est pas à l'abri des maladies et autres. Alors, si c'est l'hospitalier qui vous envoie ou Dieu sait qui, pour quelle raison est-ce que je laisserais le premier inconnu qui passe s'en aller avec ce qu'on a de plus précieux entre ces murs ? C'est pas l'hospitalier qui m'envoie, c'est ma cargaison que je viens de récupérer. Tiens, c'est étrange. C'est pas ce que m'ont dit mes gars qui ont récupéré ça lorsque ça s'est échoué sur le côté des marais. Il me semblait pas que c'était le logo des chroniqueurs qui était peint sur les boîtes. Mais bon, je vous crois. Je suis une personne, un individu. Ce qui m'appartient n'est pas forcément peint du couleur des chroniqueurs. Et pour le coup, cette cargaison appartient à l'hospitalier, mais elle devait me revenir en fait. C'est juste que c'était légalement à eux le temps que ça arrive chez eux, quoi. C'est une commande. Écoutez, j'ai pas vraiment de temps à perdre à jouer les faux négociateurs. J'accepte de vous donner la caisse à condition que vous m'ayez dit à récupérer quelque chose qui m'appartient. Eh bien, dis donc. J'aimerais que vous m'aidiez à le récupérer et que vous me le rameniez sain et sauf. Pour me laisser m'occuper de son cas, personnellement. Dites. Vous savez, la nuée du Rhône qui s'est installée ici et sur laquelle je domine, c'est comme une petite famille. Un petit coin de paradis au milieu de ces terres dévastées. Eh bien, parfois, il arrive que un membre de la famille décide de s'installer pour en rejoindre une autre. Alors, la plupart du temps, on refuse de le laisser partir et parfois il s'accroche. Et parfois, un jour, il décide de récupérer un couteau qu'on avait posé sur une table et de planter le premier gars qui vient pour partir sans nous demander notre accord. Il se pourrait même que ce type décide de se planquer au seul endroit où on pourra jamais rentrer parce qu'il sait très bien que jamais personne n'ira le chercher jusqu'ici. Parce qu'il sait très bien que c'est le genre d'endroit où seuls les gens comme vous peuvent espérer pouvoir pénétrer. Intéressant. Il se planque où? Ça va faire 2 ans que O'Hara a quitté nos murs pour se retrouver avec ces types bizarres là-bas, ces sangliers qui vivent dans une espèce de village étrange, disant qu'ils le quittent jamais. Un endroit perdu en plein milieu des marais. Personne n'y rentre, personne n'y sort. Si jamais vous vous approchez à vue, ils vous observeront par-dessus leur mirail et vous tireront directement leurs flèches empoisonnées à la gueule. Croyez-moi, j'en ai perdu des hommes qui ont tenté d'aller récupérer O'Hara. Mais si personne n'y rentre, je vois pas que je pourrais apporter de plus que n'importe quel de vos hommes. Eh bien, pourtant, si l'habit ne fait pas le moine, le masque fait le chroniqueur. Il laisse rentrer personne à part les gens comme vous. Et croyez-moi, ça doit faire des années qu'ils attendent, parce que les gens comme vous, on n'en croise pas beau d'état dans les coins, dans le coin. O'Hara lui-même, il a dû se déguiser dans l'un des vôtres pour pouvoir passer. Sans doute qu'ils ont-ils reconnu la supercherie, sans doute est-il déjà mort, mais j'aimerais en être certain. Maintenant que ce soit clair, si jamais vous vous rendez là-bas et que vous revenez les vins vides en me disant qu'il est déjà mort, pas de caisse. Si jamais vous allez là-bas, que vous revenez avec son corps sans vie, pas de caisse. C'est pas un accord qu'on fait là. C'est une transaction et la seule monnaie que j'accepterai sera ce fumier sain et sauf. Vous avez dit vous-même que vous pensez qu'il est sûrement mort. Tant pis. Moi, j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Eh bien, je vous souhaite bon retour, chroniqueur. Soit. Je prendrai quand même les coordonnées, sait-on jamais ce que je peux en faire. Si jamais je m'y rends, quel est le. La situation géographique où se trouve J'espère que vous avez de l'huile de Marduk avec vous parce que la zone se trouve un peu plus au nord, perdue au milieu des marais. Si jamais vous avez une carte des environs, à ce moment-là, Dobby récupère celle de Bayonne et de ses alentours qu'il possède, ou même vous pouvez sortir la vôtre de la Franca. On sera ravis de vous l'indiquer. Il vous faudra sans doute quelques heures de marche. Peut-être un peu moins, si jamais vous avez de quoi vous déplacer plus rapidement pour pouvoir tomber jusqu'à eux. Si jamais vous n'avez pas d'huile, j'espère que vous êtes prêts à en démordre avec les faubourgs dont... Ils sont légions par là-bas. Quant au village, vous pourrez pas le rater. Les sangliers sont entassés là-bas les uns sur les autres à travers des espèces de grands murs de tôle. On est bon ? Ouais, j'aurais. Eh bien, parfait, alors. À ce moment-là, il sourit à nouveau, affiche à nouveau sa dentition complètement défoncée. Revenez me voir quand vous aurez ce que je cherche. Et puis, il retourne à ses occupations auprès de des autres membres de sa nuit. Et d'ailleurs, j'ai dit que Dobby pouvait sortir sa carte, mais non, il n'est pas là. Ouais, mais bon, comme tu disais qu'on sortait aussi la nôtre, j'ai rien dit. C'est ça, du coup, le reste est elle-même. Heureusement que vous en avez une. Bien, déjà on sort d'ici. Voilà, on vous raccompagne jusqu'à la sortie et on vous laisse juste devant l'imposant Mokbo, tandis que votre escorte se disperse à travers la ville. Qu'est-ce que vous... Moi, juste avant, est-ce que il y a un dégât de l'entrée qui nous avait fouillé à l'entrée? Oui, justement, c'était eux. Enfin, pas tous, mais il y a... Est-ce qu'avant qu'il y en ait un qui se disperse, est-ce que je peux genre en attraper un? Enfin, ouais, bien sûr, tu lui poses la main sur l'épaule, il se retourne. Ouais. Vous allez m'arrêter? Oui, dans le mille. Non, ça te dit quelque chose, un gars, un bûcheron, blond, avec un bandana, qu'on appellerait le nouveau? Toi qui... Alors, des vois tous ceux qui rentrent. Avec un bandana, ça j'en connais des tas, des blonds, il y en a pas mal aussi. Le nouveau, ouais, si, je crois que je vois lequel c'est. Il est parti il y a pas longtemps, non? Si je vous déçois, mais sachez-le, il est pas si nouveau que ça. Ça va faire un moment qu'il est là déjà. Mais c'est vrai que le surnom est resté maintenant que vous le dites. Je sais même pas comment il s'appelle vraiment. Je crois qu'il a jamais voulu le dire aux autres. Et il était parti là, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il est parti il n'y a pas très longtemps ensuite, non? Oh, vous savez, moi, je garde l'entrée. Justement. Les bûcherons, Vous en ce l'avez pas moment, vu passer? sont par le nord. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent le nord? Non? Ouais, bien sûr. Ouais, tu serais m'en indiquer un, hein, s'il te plaît. Allez, suis-moi. Merci. Je vous y amène. À ce moment-là, il vous fait traverser la ville jusqu'à, du coup, ce qui serait un peu le prolongement du chemin brûlé, mais au niveau du nord de Bayonne, et qui, en fait, une fois passé donc la grande palissade que je vous décrivais tout à l'heure, donc avec ces espèces de grands pieux et barbelés, vous plonge directement au niveau des marais. Et c'est vrai qu'en effet, ici, vous avez pas mal de souches d'arbres, enfin, du coup, de, pardon, de. La souche, c'est quand l'arbre est tombé, mais du coup, de base d'arbres qui ont été coupés. Vraiment, du coup, de souches, pour le coup, qui ont été empilées, de troncs qui ont été empilés les uns sur les autres et attachés, et disposés vraiment à proximité de la ville comme ça. Vous avez d'autres apocalyptiques qui gardent en effet aussi cette entrée, et en posant trois questions, ils vous disent que les bûcherons sont partis un peu plus au nord aujourd'hui, et que vous devriez les croiser si jamais vous vous enfoncez à travers les marais. Qu'est-ce que vous faites? Alors, bah, je me tourne vers Eflux et Mokoche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez y aller maintenant, ce putain de village, ou vous voulez qu'on passe la nuit ici? Vous voulez qu'on y aille le lendemain? Est-ce que le plus vite fait, c'est mieux? Est-ce que vous voulez qu'on aille chercher nos motos, nos chevaux? Tu cherches quoi, Un mec. Car ici? Il revient en ville, hein? Skip. Ok. On dort là ce soir et on verra ce qu'on fait demain. Il y a de fortes chances qu'on retourne à Toulon. Ah. Tu veux dire qu'on retourne à Toulon sans se Sans rien faire des faire. projets? Je vais réfléchir ce soir. Donc vous voulez qu'on prenne une auberge, enfin une auberge, une chambre, enfin Ouais. une place à la griffe des marais? Oui, ça nous permettra de nous reposer et réfléchir à ce que j'ai à réfléchir. Puis il faut que je contacte le serveur aussi. Quelqu'un voudrait bien m'avancer quelques dinars pour l'auberge. Je veux Merci. pas bien. Bah, me payer le prix quoi de la nuit, si c'est possible. Je sais pas combien ça coûte, je vais pas demander. Bon, on va aller commander et on paiera ensemble. Donc. Ouais. Ok. Du coup là, vous allez directement à l'auberge? Ouais, j'ai besoin de réfléchir et de peut-être Ok. discuter avec les gens qui resteront avec moi, je sais pas encore. Vous allez vous poser là-bas, du coup. Jacquard, tu les suis ou toi tu restes au niveau de l'entrée où tu pars chercher les bûcherons? Et bien justement, moi j'aimerais les suivre. Et dès qu'ils prennent une chambre, j'aimerais me changer intégralement et genre plus être en juge, retirer les lunettes de soleil, le grand manteau, le chapeau et retourner à l'entrée. Et retourner où ça? À l'entrée. D'accord. Pas à l'entrée, à la sortie du nord, quoi. Ouais, Pas à ouais. l'entrée. Du coup, en effet, donc vous allez là-bas et en effet, on vous propose pas des chambres, mais des places sur des paillasses à l'étage. La nuit est à 15 dinars par personne, mais le couvert est compris dans le prix. Bon, je veux bien payer si c'est 15 dinars à la limite. Ouais, on va tous payer de notre main, quoi. On a tous 15 dinars sur nous, normalement, de toute façon. Par contre, j'ai plus rien du tout. Ah merde, même. Attends. Ce qui m'a pris 5 dinars, du coup, le. De Dobby. Il doit en rester 15 du coup. Moins. Et 15. je propose là, que Mokosh et moi te donnons un petit fonds, genre 10 dinars chacun. Il me reste 5 dinars, il me reste 5 dinars. Ouais, si quelqu'un veut bien me donner 5 dinars chacun, histoire d'avoir un peu de. T'as 25 dinars, comme ça, en cas de problème, tu peux vraiment t'en sortir. Ouais, ok. Tu les rendras plus tard, t'inquiète. De toute façon, on a un fonds commun à Toulon. Ok. En effet, là, il va bientôt commencer à faire nuit. Et rapidement, une fois que tu t'es changé à l'étage, Jacquard, en récupérant soit des fringues des autres membres du groupe, soit la veste de Dobby, qui visiblement n'en a plus besoin, puisqu'il est actuellement torse nu dans les bras d'une pie au niveau du coin de l'auberge, vous mangez assez rapidement. En effet, Eikan, le propriétaire de l'auberge, vous a fait sa spécialité, la tarte au gruau, qui est absolument infecte. Et d'ailleurs, l'argument qui semble servir à tout le monde, tous les gens qui viennent, c'est c'est un plat borcan, c'est la cuisine du pays. Vous êtes habitué, vous n'êtes simplement pas habitué, ne fonctionne pas donc sur vous, puisque même vous, vous trouvez ça absolument immonde. De ton côté, Jacquard, donc tu repars au niveau de la sortie et tu commences à faire le guet, à t'attendre par là-bas, jusqu'au moment où, en effet, tu commences à voir les silhouettes des bûcherons qui rentrent. Avec, du coup, tout ce qu'ils ont pu couper, empilé sur des charrettes qui tiennent avec leurs bras. Et je vais quand même repasser un petit peu avant sur notre chroniqueur qui va nous dire quoi faire. Enfin, en tout cas, quels sont les plans ? Alors, moi, à part discuter, j'ai pas de grands plans, donc je ne sais pas ce qui t'intéresse le plus en termes de jeu. Simplement, je pars du principe que tu peux les appeler et contacter automate à l'aide de ta radio. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je fasse ça avant, bien joué. Du coup, oui, effectivement, je vais appeler le serveur avant de passer en mode discussion par rapport à ce qu'on fait. Du coup, oui, bah voilà, je vais juste appeler, me mettre dans un coin et appeler le serveur et voir ce qui s'en dit. Ok. Tu es donc rejoint Automate. Bonjour, Efflux. Je commençais à croire que vous n'aviez pas réussi à rejoindre Toulon. Vous allez bien ? Si, mais... Sa voix grésille pas mal, hein. Lui il se trouve au plein milieu des Alpes, mais tu l'entends. J'ai eu pas mal de choses à régler dès notre arrivée à Toulon. Très bien, c'est super. C'est super. Oh, nous ici, de notre côté, tout va bien aussi. Les grands froids sont bientôt terminés. Vous avez bien fait de nous quitter le plus vite possible. Vous seriez resté bloqué pendant plusieurs jours, si ça avait continué. Même si nous aurions pu avoir sans doute de superbes discussions de chroniqueur à chroniqueur, les choses n'auraient pas été si mauvaises que ça, je pense, finalement. Je suis d'accord. Alors, comment ça va? Vous vous acclimatez plutôt bien au sud du pays? Ça doit vous changer de la borka, ça, non? Ça, je suis né ici, donc malgré tout... J'ai un peu l'habitude de l'air. Ah, bon. D'accord. J'imagine que vous voulez que je vous le relaye jusqu'au niveau de hybride. Oui. Très bien. Patientez un instant, je m'occupe de ça. Tu mettras quelques minutes d'attendre le temps que du coup tout soit transféré et sans doute que de son côté hybride soit disponible. Jusqu'à en effet du coup te faire... enfin, comment dire, être mis en relation avec l'ancien Pryl, dont tu reconnais, pareil, le grésillement du vocodeur de l'autre côté. J'espère que les choses se passent bien. C'est lent à évoluer, mais je pense que c'est pour l'instant plutôt positif. Je vais pas vous mentir, nous avons reçu 2-3 informations qui n'allaient pas forcément dans ce sens-là. Le serveur est tendu et se pose pas mal de questions quant aux chances et l'investissement que représente cette opération. Évidemment, nous avons 2-3 espions qui ont infiltré la ville et qui essayent de nous tenir au courant de vos avancements, mais surtout des choses que vous ne pouvez pas voir. Il paraîtrait que votre nom et les membres de votre groupe ont été cités lors d'une réunion au Sénat, il y a quelques jours de cela. Très récemment même. Un certain Bayou aurait émis quelques soupçons à votre encontre et aurait demandé à ce que l'on vous fasse surveiller. Le serveur est tendu, Efflux. Dites-moi que vous avez quelques bonnes nouvelles à me donner pour contrebalancer ça. Pour l'instant, pas vraiment. J'ai été effectivement aux alcoves et... Merci. C'est une bonne nouvelle. J'ai aussi à me connecter et j'ai accès du coup à tout l'attirail du coup de puissance 16. Je vois. Il y a beaucoup de matériel là-bas? J'ai pas eu le temps. Tour, mais c'est encore opérationnel. C'est malheureusement des systèmes plus vieux que ma naissance, mais c'est opérationnel et il y a l'air d'avoir des choses intéressantes, effectivement. Alors c'est déjà ça. Je pourrais tenter de rassurer au moins les chroniqueurs avec ces informations. Les hospitaliers, eux, ont l'air d'être plutôt passifs quant à la réussite ou non de la mission de votre collègue Tori Cole. Les juges ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe, mais j'imagine qu'ils apprécieraient savoir que Jacquard effectue bien, bel et bien la mission que l'on lui a confiée. Est-ce qu'il s'en sort? Oui, il a, de ma connaissance, puisque nous ne sommes pas 24 ensemble, mais de ma connaissance, il a dû avoir, je crois, 2 victimes, il me semble. Donc, il avance, il enquête et... Très bien. Les anabaptistes aussi sont, je ne dirais pas en colère, mais très impatients. Ils ont leurs propres soucis de leur côté et j'imagine qu'ils souhaitent que les choses s'accélèrent au niveau de Toulon. Ils souhaitent réitérer leur ordre et que vous passiez à l'action quant au Géamétan qui s'est investi et qui a récupéré la foi de la population locale. Ils craignent que de nouveaux Géamétanes émergent dans ces rues et ne suivent son exemple. Je tiendrai au courant Mokosh, mais sachez qu'elle est en train de redonner vie à la cathédrale qui était jusqu'alors totalement abandonnée. Ça prend un peu de temps, comprenez-le, de pouvoir acheter l'équipement, mais c'est en cours et Mokosh là-dessus. C'est une bonne nouvelle. Elle est entre de bonnes mains. Lito devrait pouvoir la conseiller sur tout ce qu'il lui faut. A-t-elle commencé à recruter de nouveaux membres? C'est actuellement en cours, nous venons d'acquérir l'équipement. Nous avons déjà une recrue et Mokosh vient actuellement d'acheter de quoi former des nouvelles recrues anabaptistes. Très bien. Écoutez, Flux, je vais être assez franc avec vous. Nous allons devoir faire quelques concessions pour... D'un côté, continuer de nous mettre le protectorat dans la poche, leur faire comprendre que cette mission vaut l'investissement que nous y mettons. Et de l'autre, nous allons devoir faire un certain sacrifice pour vous racheter auprès des Anubiens. Et surtout de l'Anubien et du reste du consulat, du Sénat, pardon, qui réside à Toulon. Comme d'habitude, nous avons déjà tout préparé, il vous suffira d'exécuter nos ordres. Soit. Pour commencer, les anabaptistes souhaitent que le Géamétan, qui réside actuellement à Sacré-Amiel, soit éliminé dans les plus brefs délais. D'un autre, nous avons dépêché un groupe de personnes qui pourraient être vous, actuellement en déplacement au niveau des Alpes. Leur mission est de se rendre à Toulon. Ils devraient y arriver d'ici une journée ou deux, dans le but de vous éliminer. Évidemment, si jamais je vous parle de cela, c'est que cette opération n'a que pour but de consolider la petite histoire que les néolibiens pensent encore être véridique. Celle du groupe qui a été chassé du protectorat et qui actuellement se cache au fin fond de la Franca. Leurs soupçons ne sont pas suffisamment grands pour vous incriminer de quoi que ce soit. Alors, ce groupe, qui évidemment pense être simplement avoir été dépêché pour éliminer des traîtres, se fera malheureusement éliminer par le groupe qu'il était censé chasser. Ils ne pourront pas vous prendre par surprise, vous savez qu'ils seront là et qu'ils arriveront. Nous leur avons demandé la mission suicidaire de vous éliminer en pleine ville pour porter un message auprès de tout le monde. Évidemment, le réel objectif derrière tout cela est de porter un autre message derrière tout le monde, celui que vous êtes chassé et que vous êtes traqué par le protectorat. Nous pensons que cela devrait baisser certaines tensions. Mais j'espère que vous comprenez que nous ne pourrons pas nous permettre d'envoyer à la mort et que c'est un sacrifice qu'il faudra assumer auprès de mes réunions avec le serveur le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez des questions? Aucunement. Très bien. Une dernière chose à vous dire de mon côté. Vous serez sans doute contacté dans les brefs délais par d'autres chroniqueurs qui se trouvent actuellement aux alentours de Toulon. Ils sont actuellement complètement cachés, ne se déplacent jamais avec leur attirail. Alors personne ne sait qu'ils sont là. Certains restent sous terre dans les alentours, dans les campagnes et dans les marais depuis des mois et presque des années désormais. Leur objectif sera d'investir les alcôves que vous avez libérées. Nous savons désormais qu'elles fonctionnent. Je vous laisserai vous arranger avec eux une fois sur place sur la répartition des tâches et de l'équipement que vous pourrez y récupérer. Leur mission sera de mettre la ville sur écoute et potentiellement de nous permettre de vous joindre directement depuis là-bas. Si jamais ils arrivent à accentuer les signaux que nous envoyons depuis la ville, repérer par les néo-libyens. Enfin, j'espère qu'ils nous enverront les informations comme quoi vous vous êtes bel et bien mis dans la poche les plus démunis de la ville, que les gens parleront partout du chroniqueur qui les sauve de ces opprimants néo-libyens et que ils seraient quand même bien plus heureux si c'était nous qui dirigeons cette ville. C'était tout. À tout mon but. Très bien. Alors, au revoir. Au revoir. À ce moment-là, la conversation tu repasses en relation avec Automate, qui te fera la discussion en t'échangeant des banalités pendant encore quelques minutes avant que tu ne trouves un temps de respiration pour lui couper la parole et lui dire qu'il faut que tu y ailles. Tu noteras les quelques informations supplémentaires données par le serveur de ton côté, tandis que je vais retourner au niveau de Jacquard. Jacquard, les bûcherons passent désormais à ton niveau. Ils sont là avec leurs charrettes, avec leurs morceaux de bois. Alors déjà, moi je tiens à dire que je suis pas genre je suis pas genre en plein milieu de l'entrée en train d'être. Je me suis un peu caché dans un coin bien à l'ombre où s'il y a un flambeau, je fais en sorte de pas être éclairé, genre adossé contre la palissade ou quoi, genre. Ok. J'ai mon marteau. Non, j'ai pas mon marteau. On va dire que j'ai laissé mon marteau. D'accord, très bien. Parce que j'ai. Tu les vois passer et discuter, ils sont tous assez baraqués, assez essoufflés. La plupart semblent avoir un corps assez rongé par ce qui se passe ici dans le sud, beaucoup de piqûres de moustiques, quelques blessures, des mains, vraiment des mains d'artisans, toutes poreuses. Et des barbes évidemment très mal taillées. Pour autant, ils semblent pas vraiment malheureux puisque leurs discussions sont assez joviales. Ils parlent des pics qu'ils vont bientôt retrouver, ils parlent de l'argent qu'ils vont se faire aujourd'hui, ils parlent de la chance qu'ils ont de vivre derrière les murs de Toulon. L'attitude est plutôt... Enfin, en tout cas, l'ambiance est plutôt bonne et ça a l'air d'être de bons vivants. Qu'est-ce que tu fais lorsqu'ils passent à peu près à ton niveau? Ils jettent pas vraiment attention, ils font pas vraiment attention. Rien, je les laisse continuer. Ok, bah dans ce cas-là, il passe et il commence à disparaître derrière toi, donc en rentrant à travers Bayonne. Certains déposent du bois du coup sur le côté. Ils reçoivent de l'argent auprès apocalyptique qui gardait l'entrée. Puis retournent au niveau de leur petite maison, vont retrouver leur femme ou d'autres se rendent en direction de la taverne. Est-ce que j'ai pu en distinguer un, du coup, qui correspondrait à un blond Avec leur blond, c'est pas sûr et certain, mais il y en avait un qui avait l'air un peu moins musclé que les autres. Sans doute, ça pourrait être... et qui était blond, d'ailleurs. Mais il y en avait plusieurs qui étaient blonds. Mais tu pourrais peut-être supposer que... Pas blond, merde, roux. Ah, roux, non, pas. Attends. Ah, blond, non, oui, non. Blond, c'est bon, t'as raison. J'ai rien dit. Désolé. Et du coup, oui, vous remarquez comme si peut-être il effectuait cette activité depuis moins longtemps. Mais surtout, ce qui t'a marqué avec lui, c'est son visage. Son visage te rappelle... vaguement quand même celui de l'autre frère. J'ai un petit trou de mémoire, c'était Finn ou c'était Sven que j'avais trouvé? C'était Sven, non? Je crois que c'était Sven, oui. Bah, j'aimerais le filer lui en particulier. Du coup, il se disperse, c'est pas dit. Ouais. Je te demandais donc, un peu de discrétion. Toujours en gardant une grande distance, je veux pas avoir l'impression de me coller, mais oui, il pourra me coller pour... Alors, t'as dit un jet de discrétion. Ouais, agilité, stealth. Ok, je claque un point d'ego. Très bien. Hop, donc je note. Ouais, tu mets moi un ego. Ouais, hop, point d'ego. Ah, je peux le mettre dans ma fiche? Non, je peux pas modifier ça. Bon. Non, tu peux le mettre directement, moi je l'actualiserai à la fin de la partie. Ça me prend 30 minutes. Ok, hop, je fais mes dés. Surtout que techniquement, tu as le droit à un ego gratuit par session, vu que vous gagnez un ego par jour dans le jeu. Une réussite et deux têtes de mort. Tandis qu'il se déplace et que tu restes, donc, comme tu me disais, à longue distance, tu vois qu'à un moment, il s'arrête à l'ombre d'un bâtiment. Et le temps que tu te rapproches légèrement pour essayer de voir ce qui se passe, tu le vois en train de discuter avec la pie de ce matin, celle que tu avais interrogée. À ce moment-là, il se retourne, regarde autour de lui, sent un petit peu le côté pesant. Et là, je trébuche, je parle au codex. Pardon, toi ? Non, là, je trébuche, je disais pour rigoler. Et là, je trébuche et je crie « Parle au codex !» Non, et il regarde autour de lui, puis part avec un pas pressant en direction. Enfin, tu ne sais pas où, du coup, il semble changer d'itinéraire. Il ne rentre pas au niveau de la taverne, mais part à l'intérieur, donc de l'ombre de cette. Qu'est-ce que tu fais? Quand à la pile, elle repart au niveau de la taverne. Ok, fuck ma couverture. Je me mets à courir. Ok. Il commence à courir en direction de qui? Pas la pie. L'ombre. Tu commences à courir au niveau de la ruelle et je vais te demander donc un petit jet de body athlétique. Body athlétics. Ouais. Athlétics. Athlétisme. Ok, je reclaque un point d'ego. Ok. Ou c'est athlétique. En anglais. Je fais 4 réussites et un déclencheur. Ça fait plus que lui, il a fait 3 réussites. Pourtant, il avait plus de dés. Bien joué. Donc, tu cours à travers la ruelle. Et en effet, au loin, tu vois sa silhouette qui se retourne et qui, en voyant la tienne, comprend clairement de quoi il s'agit. Vous m'aurez jamais ! Et puis, il reprend. Ok, je le cours. Alors, tu cours à travers la ruelle. Au bout d'un moment, il commence à monter sur une espèce de caisse. Il accède en fait au toit de l'un des bâtiments de la ville. Toi, tu cours juste derrière lui et t'arrives à le choper au niveau du pied, mais il se dégage avant de monter complètement sur le toit et de partir, en fait, de sauter presque de toit en toit pour se diriger sans doute vers la sortie de la ville. Sans que tu puisses... Ok, je sais faire la... Ok, je vais te demander un nouveau jet. Cette fois-ci, ça va être plutôt de l'acrobatie. Donc, ça va être agility, mobility, ouais. Ou dextérité, à toi de me dire. Dextérité, comme ça me rejoue de dés. Tu m'as dit quoi? Non? Dextérité? Dextérité? Agilité ou mobilité, ouais, comme tu veux. Ok, dextérité. Très bien. Quatre réussites, dont deux déclencheurs. Ok, bah t'as encore fait mieux que lui, putain. Moi j'ai fait trois réussites, dont un déclencheur. Tu commences à courir à ce niveau-là. Toi, quand tu donnes des gros pas au niveau des tôles, avec ta jambe de Hamsumo, tu laisses des gros trous et tu fais des gros bruits bien tonitruants. Lui, quand il essaie de courir, le truc c'est que même si son idée pouvait être intéressante pour essayer de te semer facilement en sautant derrière un des bâtiments, la tôle s'est glissant et en essayant de sauter d'un bâtiment à un autre, il se glisse complètement et s'éclate la nuque au niveau du rebord avant de tomber complètement par terre dans la boue. Toi, t'arrives jusqu'à son niveau, il a pas l'air bien du tout, et alors qu'il essaie de se relever. Pardon? Je suis encore sur le toit. Ouais. Non, j'ai réussi à sauter avec lui. Ah, t'es juste au-dessus de lui, lui, il s'est éclaté en bas par terre dans la rue. Ok, je veux sauter à pieds joints sur ses jambes. Ok. Avec la jambe de Hatsumo. C'est ce que j'allais dire. Il essaie de se relever et là, d'un seul coup, tu lui atterris dessus. Il hurle de douleur. Les quelques gens loin se retournent. Et t'as même des oiseaux qui s'envolent, qui s'éloignent, une espèce de nuée de corbeaux comme ça. Il est complètement à ta merci. Il essaye vaguement au début de ramper à travers la boue, mais il est incapable de bouger ta jambe qui est complètement prise sur lui. Du sang commence à se mélanger également à la boue de la rue. Est-ce qu'il y a une petite pierre, n'importe quoi, Non, tu sais quoi? Je vais le saisir et je vais l'étouffer, je vais l'étrangler. Ok, tu le saisis au niveau de la gorge, tu commences à l'étrangler. Et je vais te demander un jet de body brawl, qui est donc le test pour faire ce qu'on appelle de la lutte. Il va aussi faire un test, mais il va avoir un malus. Quatre réussites. Oh là, t'as encore fait. À chaque fois, tu fais un dé de plus, c'est terrible. Tu commences à le choper au niveau de la gorge. Lui, placément au niveau des tiennes pour tenter de sauver. Malheureusement, l'un de tes bras est au moins aussi puissant que ta jambe et sans problème, tu le soulèves au niveau du sol. Ses jambes, enfin ses pieds touchent même plus la boue. Tu le colles au niveau de la tôle, il essaie de se débattre et devient de plus en plus rouge tandis qu'il commence à paniquer. Deux, trois coups de pied sont échangés. Et alors que la dernière sensation qu'il a, c'est le froid touché de mon bras en métal, je lui lâche t'as le bonjour de Sven. À ce moment-là, il tombe complètement au sol, inconscient. Et, enfin, même. Tu l'as étranglé à mort, j'imagine. Oui. Il se relèvera clairement pas. Hein, si tu prends son pouls avec ta main qui est pas froide et glaciale, tu sentiras qu'il n'y a plus rien du tout. Et en retirant son bandana de bûcheron, en effet, tu repères la marque du jugement. Ses yeux trahissent également un mélange de peur, d'angoisse et de panique. Comme si, dans ces derniers instants, il s'était demandé si son frère l'avait vendu au juge qui était passé par Toulon précédemment. Est-ce qu'il y a des gens dans la rue? Non, là, vous êtes dans une espèce de petite ruelle sombre, il y a des gens au Qu'il y a des loin. gens qui ont été témoins? Il n'y a pas eu de témoin direct. La rue et la petite ruelle dans laquelle vous vous trouvez est vide. Mais au loin, il y a des silhouettes qui ont clairement vu qu'il y avait eu une altercation, mais elles sont un petit peu loin. Ok, je veux planquer le corps. Je veux trouver un endroit et... Je te laisse regarder la carte et me dire. Tu sais quoi, déjà, je vais dire où est-ce que vous êtes actuellement. Alors, carte. Bah, je veux trouver un endroit. Je veux juste le poser momentanément, en fait, vraiment. Enfin, je veux trouver, genre, un petit recoin, un petit cul-de-sac, je sais pas, moi, une petite cour. Ou alors, Actuellement, tiens, je vois. tu m'en là. Est-ce qu'il n'y a pas des. Là, je vois, tu vois, dans le sud de la ville, je sais pas si c'est. Juste à côté de la Griffe des Marais, il y a l'air d'avoir des trucs verts. Est-ce que c'est des bois? Est-ce que c'est des arbres? Intérieur. Ou non, peut-être pas, hein. Il me semble que ce sont des arbres, oui. Ouais, c'est ça. Ok, bah je vais le planquer là. Ok. Du Si coup, t'es d'accord. Si je trouve un endroit, un buisson ou quoi. ouais, parce que du coup, sinon tu devrais traverser la rue avec la rue principale avec son corps. Mais en effet, tu peux trouver Ouais, la. parce que là, je suis au niveau de ouf, à peu près. Là, Je suis au niveau du disjoncteur, je du vais terminal de récupération. le poster dans Général. Je sais pas si tu vois cette petite rue qui mène elle-même vers une espèce de petit bosquet. Tu peux trouver un petit coin pour aller l'y planquer. Fais-moi un Non, mais dernier je veux juste le... jet. C'est pas pour le planquer dans la durée. Je vais revenir genre dans 10 minutes. Ah d'accord, ok. Bon, dans ce cas, pas besoin de jet de discrétion, tu le mets juste de côté et puis c'est temps d'être changé, c'est ça? Ouais. Ok. Tu repars du coup au niveau de la taverne, tu récupères tes vêtements, tu rends sa veste à Dobby Je récupère le marteau surtout. et tu récupères ton marteau. Lorsque tu retournes là-bas, son corps est toujours ici le rouge de son visage a déjà laissé place à une espèce de bleu glacial. Je veux l'amener bien au centre de la ville. Tu Genre, le vraiment. Quoi? traînes jusqu'au centre. Et je veux lui éclater le crâne sur une pierre. Ok, tu poses son visage au niveau d'une pierre, tu vois que les gens se mettent à t'entourer et tout. T'entends des gars derrière qui disent il va quand même pas oser, il va pas le faire. D'un seul coup, tu lèves ton marteau et tu lui abats sur le visage qui explose complètement en plein milieu de la rue. Et sur ce, je retourne à la grise des marais. Ok. Les réactions semblent avoir été multiples. Certains semblent avoir été choqués, d'autres applaudissent, certains rigolent. Et les gens te laissent partir sans problème. Ici, à Bayonne, c'est comme ça que se fait la loi. Ok, tu retournes au niveau de la taverne. Comme quoi, c'est pas si différent de justicienne, hein. Que faites-vous? De quoi, quels sont vos plans? Je vous laisse en discuter. Elle est là cette pie que j'ai. Est-ce qu'elle est là? Dans un coin. Ok. Bon, personnellement, j'ai plus grand-chose à faire sur Bayonne. Si vous voulez aller à votre truc, là, je veux bien vous accompagner. Si vous voulez rentrer, je veux bien rentrer. C'est vous qui voyez. T'as eu le temps de réfléchir? F-Lux. Pas vraiment, non. La situation est un peu plus compliquée que prévu. Ah. Vous savez, la différence entre moi et n'importe quel soi-disant prodige, hein. Non. Et n'importe quel? Soi-disant N'importe quel quoi? prodige. Quelqu'un qui se dirait avoir une grande destinée. Tu portes un masque? Malheureusement, il y a aussi des chroniqueurs qui sont convaincus. Non, la différence a été vis-à-vis de ma destinée. J'ai été éduqué, je sais comment elle s'exprimera. Et je sais que ma destinée, elle est dans le fait que je dois me battre pour la dignité des faibles. Et en mon cas, si on prend ce qu'on sait, la justicienne, peu de grands dirigeants connaissent mon nom. Par contre, si vous allez voir n'importe quel enfant des rues, n'importe quelle personne en difficulté, tous sauront qui je suis. Le problème aujourd'hui, c'est que je dois choisir entre aider un puissant pour essayer au final d'aider un faible, des faibles. Et ma plus grosse difficulté, c'est que actuellement mes ordres, hein, sont de pas, il reste tout de même de bas de la dignité des faibles. Hein. Ça reste le serveur. Je sais qu'ils sont fiables là-dessus. C'est eux qui m'ont appris. Mais je dois m'en prendre à des faibles pour ça. Et j'ai clairement pas envie. Mais tu sais, parfois les faibles sont vraiment juste des vermines bons à rien qu'il faut juste exterminer. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Pour me... Enfin, c'est ce que je me dis. La différence, c'est sûrement notre destinée, justement. Peut-être, mais ça, j'ai pas compris. Si t'as pas envie de le faire, on le fera pas. J'imagine qu'on trouvera quelque chose d'autre à dire à Adonai. C'est qui ça déjà? Le Jametan. Ah, c'est lui qui te pose des remords, hein? Si tu veux, non. Je le fais pour toi. Hein. Non! Pas ça. Il faut que j'y réfléchisse. Je sais pas si. Je pense qu'aller au village, ça apportera rien. Si la personne a fui la nuit, elle avait ses raisons et. Et l'autre ne me donne pas envie, la moindre du monde, de lui apporter la quelconque aide ni satisfaction. Je me débrouillerai autrement. Oh, mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, c'est juste une petite frappe qui a volé une autre petite frappe. Qu'est-ce qu'il t'en sait? Ça se trouve, c'est un putain de dealer de Bourges, de Bourgeon, qui s'amuse à vendre à la sortie des écoles. Enfin, à la sortie des écoles. Bon. Il y a des écoles ici. Je crois pas qu'il y ait d'école ici. Mais bon, bref, ça se trouve. Juste une putain de frappe qui s'est retrouvée dans une embrouille de frappe et qui se retrouve à fuir, c'est tout. Hein. Écoute, ça vaut au moins le coup d'aller le voir, moi j'ai envie de te dire. Pour notre mission, je te rappelle que là on parle d'un village qui visiblement est complètement en adoration des chroniqueurs. Et si on peut avoir rien qu'une arrière-base dans la campagne comme ça, et qu'on sait qu'ils existent, et enfin, ce serait bien d'aller vérifier ça, genre si ça se trouve, s'ils sont complètement. En adoration sur toi et tes compères, enfin, je veux dire, ça pourrait être, je sais pas, si jamais on se retrouvait à avoir des soucis, une planque, un genre de truc comme ça. Moi, je pense que ce serait au moins une bonne idée d'aller prendre contact avec eux. Et puis, au pire, on revient le voir, on lui dit qu'il est mort, on rapporte une preuve, peut-être que. C'est rien, moi. Peut-être qu'il acceptera de nous passer quelque chose, même s'il a dit non. On sait jamais. Ça semble être du temps perdu pour une personne qui le vaut pas. Peut-être, mais moi je trouve que c'est pas une temps perdu de s'assurer qu'on a une potentielle arrière-base avec des partisans, enfin au moins à ta cause, au moins pour toi. Moi je trouve que c'est pas forcément une idée bête d'aller les voir. Alors après, on a tout le temps du monde hein, pour être très bien retourner à Toulon et repenser à aller les voir un de ces quatre la prochaine fois qu'on passerait sur Bayonne. Mais je pense que. Ce serait pas déconnant d'au moins vérifier s'ils sont vraiment comment dire en admiration sur les tiens. Après, c'est mon avis. Je sais pas ce que t'en penses, mon coche. Je vous suis. J'ai déjà donné mon avis sur la question vis-à-vis de la morale de Flux, le reste. La dernière fois que j'ai eu ce genre de discussion où il y avait d'un côté la morale et le profit, ça s'est mal terminé. Il faut aussi que je vous tienne au courant. Sachez qu'il y a un groupe de chroniqueurs qui arrive en ville sur Toulon qui voudra nous éliminer. Notre mission est de les tuer. Donc, un groupe de chroniqueurs? Bon, il faut être facile à repérer. C'est déjà ça. Je ne suis pas sûr que ce soit directement des chroniqueurs, mais en tout cas, il faut au moins partie du protectorat. Le but, c'est de valider la rumeur selon laquelle je fuis le protectorat et qu'il me traque. Attends, donc ils ont envoyé quelqu'un nous tuer? Oui. Et nous, notre mission, c'est de les tuer. On les laisse nous attaquer en pleine ville. Ça se passera sûrement 2 jours, vu qu'ils sont là pour passer un message. Peut-être de nuit, en fait, j'en sais rien. En tout cas, ça se passera au milieu de la ville. Et en vue de ça, je me dis qu'aller là-bas, si jamais on tombe sur des fanatiques qui... On rappelle que normalement, personne n'est censé sortir de là-bas, donc si on nous sommes vraiment obligés de de ne pas avoir le droit de sortir et qu'il va falloir passer aux armes, j'aimerais bien qu'on évite plusieurs confrontations d'un coup. Je vois pas pourquoi ils nous laisseraient pas sortir, écoute. Au pire, tu leur ferais un tour de magie en mode, je sais pas, tu iras ta bouche là, puis ça sera réglé. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'impose par la force même, si on y va. Peut-être que ça se trouve, c'est complètement des bobards, c'est juste des pauvres ermites qui veulent vivre complètement reclus dans la pampa, et genre... Mais c'est moi, je dis que ça vaut le coup. Tu peux... C'est bien, on peut faire toutes les théories du monde, ça se trouve, c'est des cannibales qui s'entremangent, qui n'attendent que nous arrivions chez eux pour nous bouffer le cul, j'en sais rien, mais si on va pas voir, on sera jamais. À ce moment-là, vous avez Dobby qui arrive à niveau de votre table. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Bah, il y a ce village où, enfin, faudrait qu'on ramène quelqu'un. Mais Flux n'est pas très, comment dire. Le village des sangliers, c'est ça, non? Exact. C'est ce que m'a dit Renard. Ouais, désolé, j'étais occupé à surveiller votre type. D'ailleurs, il est toujours pas venu. Oui, non, je m'en suis occupé. D'accord, il viendra pas. Oui, bah, écoutez, Renard m'a raconté votre petite discussion avec Scaro quand ça a l'air d'être un sacré bouc, celui-là aussi. Bah, maintenant, vous, que vous y alliez ou pas, ça nous est un peu égal, mais on aimerait quand même recevoir une petite contrepartie pour le trajet. Alors moi, les caisses, elles m'intéressent quand même. Les caisses vides ou les caisses pleines? Les pleines, celles qui se trouvent actuellement à l'intérieur de l'autobastion. Alors si jamais vous voulez aller négocier avec les sangliers, oui, pourquoi pas. Mais... si jamais vous voulez aller voler les caisses sous le nez de Scarocante, ça me va aussi. Ça, ce serait quand même nous blacklister à jamais dans cette ville. Pas que je l'apprécie particulièrement, mais... À ce moment-là, ça qui baisse un peu le ton, ouais, c'est vrai qu'il risquerait d'envoyer ses hommes à notre trousse. C'est peut-être pas le meilleur des plans. Moi, je recommence, hein, mais je suis vraiment à 100% pour qu'on y aille, au moins pour vérifier si c'est juste une bande d'hirsutes sauvages qui vivent de... Si ça se trouve, c'est eux les pillards, j'en sais rien, qui vivent de rapaces et de je sais pas quoi d'autre, mais... Qui ça, les sangliers? Oui. Qu'est-ce que tu t'as appris, là, près de tapis, là-dessus? Elle m'a rien dit par rapport aux sangliers, mais on les non, connaît un peu. Ah, qu'est-ce que t'en sais? C'est vrai qu'il paraît que ceux du nord de Bayonne, ils sont assez reclus, mais en général, c'est juste des gars qui vivent dans les marais et qui s'habillent bizarrement. Et ils aimeraient bien les chroniqueurs, ce qui paraît. Ah oui, c'est possible, hein, on parle de chasseurs-cueilleurs assez primaires, eux, ils se contentent de tirer des flèches sur des oiseaux et de ramasser des baies dans des buissons. Ça m'étonne pas que les chroniqueurs leur fassent l'effet que font les chroniqueurs aux gens comme ça. Et ben voilà. Et Flux t'entends? C'est pas une bande de sauvages hirsutes. Enfin, tu me diras, c'est moi qui ai avancé cette théorie, mais moi je t'encourage. Enfin, je pense qu'on devrait y aller. Après, c'est. Si je me souviens bien, il y a une quinzaine de clans du sanglier. Enfin, ils ont été divisés en 15 et ils arpentent un peu comme ça. Enfin, ils se posent à peu près un peu partout dans les marais. C'est vrai qu'ils ont des cultes un peu chelous, du genre attendre l'élu qui viendra les sauver de je sais pas quoi. Enfin bref, tout ça, moi, ça me dépasse. Puis à ce moment-là, il prend un verre et le boit d'un seul trait. Écoutez, à vous de me dire, soit on s'en prend directement à ce cas à la rocante, soit on va voir ces types-là. Mais moi, je repars pas sans quelques dinars à dépenser. Il y a peut-être une troisième solution également, mais... Enfin, il nous faut du profit, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je propose qu'on y aille. Enfin, bon, ce soir, on dort, mais... Non, on y va. Bon, on y va, vu que personne ne s'en prend une décision. Moi, je suis pour y aller. Moi, je suis pour taper des types. Enfin, non, non, non, non. Ça, si, moi, je suis pour, mais... Ah, c'est Lilith qui parle. En tout cas, la bouffe est dégueulasse. Au moins aussi dégueulasse que le type qui nous l'a servi. Bah, vu que Jacquard a donné son avis, j'imagine qu'on va le suivre. Eh ben c'est parti, demain on se lève à l'aube et on y va. Parfait alors, s'écrie Dobby qui était sur le point de s'endormir. Il tape un bon coup sur le comptoir, commande un dernier verre. Il devrait sans doute être saoul avec tout ce qui s'est enfilé cette soirée-là, mais il n'en est rien. Il sortira une dernière fois, s'allumer une clope, voire deux en même temps. Et vous l'entendrez ronfler toute la nuit tandis que vous essayerez de trouver le sommeil dans cette foutue auberge. Le lendemain matin, vous vous préparez, vous récupérez quelques affaires. Est-ce que vous avez tous noté du coup le prix de l'auberge en moins sur vos fiches? Ça a l'air d'être bon. Oui. Vous l'avez C'était 15 crédits? C'était 15 dinars. Oui, crédit. Dinars. Vous vous enduisez d'île de Mardouk, tandis que vous vous approchez des murs de Bayonne, et vous vous engouffrez à nouveau à l'intérieur des marais. Les marais de ce versant-là de la ville semblent être encore plus sombres que les derniers que vous aviez traversés. Ici, pas la moindre route principale sur laquelle vous rendre. Vos chevaux et la moto avancent lentement au niveau d'une espèce de coin un peu asséché. En tout cas, là où la boue n'est pas trop omniprésente. Au loin, vous avez des insectes et des moustiques gros comme des mains qui s'accrochent aux arbres et vous volent autour de vous de temps en temps. Ça arrive que Dobby, par exemple, en écrase un qui s'était posé contre son cou, laissant une traînée de sang s'étaler. Ah, il est déjà passé chez quelqu'un d'autre, celui-là. Vous en profitez, mais vous mangez également de votre côté les restes que vous aura laissé le tavernier Ekan. Toujours aussi immonde, encore plus avec l'humidité qui s'est installée pendant la nuit. La plupart d'entre vous n'ont pas énormément dormi d'ailleurs à cause des ronflements de Dobby et de quelques autres clients, en tout cas ceux qui seront assez sensibles au bruit. Et c'est assez fatigué que vous traversez cette partie des marais. Heureusement, les indications de Scarocante sont assez précises et à force de vous y engouffrer, vous cernez au loin ce qui pourrait être la silhouette d'une muraille de bois. Alors, vous marchez, enfin, vous roulez, pardon, et galopez dans cette direction jusqu'à ce que vous vous arrêtiez un moment devant une espèce d'arbre légèrement étrange. Il est différent des autres et se démarque par son apparence. On dirait un gros arbre mort sur lequel on aurait sculpté quelques visages démoniaques. Tout autour, vous avez des tas d'insectes qui virevoltent, et c'est là que vous les apercevez. Au loin, plusieurs silhouettes humaines et complètement nues commencent à s'accumuler et à vous entourer. Nues? Oui. Vous vous arrêtez quelques instants, et Dobby chuchote ce sont eux les faux bourdons. Vous voyez sur leur corps des stigmates importants. Ils avancent de manière complètement hasardeuse. Et du coup, comme je disais, ces stigmates franquéens qui forment le symbole du chakra semblent s'être incrustés à travers leur peau. Les battements de vos cœurs se mettent à accélérer. Mais ils semblent se rester à distance. On est sur leur territoire, mais l'huile que vous avez récupérée fait son effet. On n'aura pas à les combattre. Alors le cheval de Dobby reprend, sous les regards intenses des faux-bourdons, qui commencent à se joindre sur le bord de l'espèce de petit chemin que vous empruntez, par dizaines, presque par centaines. Et dans le silence le plus total, vous observez. C'est assez gênant comme situation. Renard préféra ne pas les regarder, tandis que Lilith les confrontera du regard tout le long. La main sur sa barre de fer, en train de tapoter de l'autre côté. Heureusement, elle peut pas sortir du sidecar et Mokosh la forcera à avancer. Un peu plus loin, vous arrivez au niveau du pied de la forteresse. Enfin, la forteresse. De la muraille qui a été construite au loin des marais. Vous avez quitté Bayonne depuis plusieurs heures, là, déjà. Vous êtes vraiment enfoncé à travers les marais. À ce niveau-là, attiré par le bruit de la moto de Mokosh, plusieurs silhouettes apparaissent en haut des murailles. Des gens assez étranges. Sans doute les sangliers dont parlait Dobby. Enfin, de Scarecrow, initialement. En effet, ils ont quelque chose de très bestiaux. Au loin, vous voyez leurs silhouettes vêtues de grands manteaux rouges et d'armures de cuir légèrement déchirées sur lesquelles ils ont peint des ossements qui leur donnent une allure assez bestiale. Ils semblent également être armés de flèches, d'arcs et de masses taillées dans du bois dur. Alors, ils vous adressent quelques mots dans une espèce de vieux franquien que vous avez du mal à comprendre, mais sur lequel vous pouvez commencer à vous raccrocher. Depuis quelques semaines que vous êtes là, ceux qui parlaient le moins bien la langue commencent à s'y habituer. Qu'est-ce que vous voulez ? À ce moment-là, ils t'adressent plutôt ça à toi, Mokosh. Les autres sont encore un petit peu derrière, la moto va plus vite que les animaux. Vous feriez mieux de revenir de là, de repartir de là où vous venez. Je vous amène quelqu'un qui pourrait vous intéresser. C'est lui qui vous a donné ce quelqu'un, la machine sur laquelle vous vous trouvez ? Il est pour quelque chose en fait qu'elle fonctionne. À ce moment-là, celui à qui tu t'adresses, qui est un homme avec le visage vraiment relativement bien rasé, malgré son ce qui pourrait avoir l'air très justement bestial, enfin très primitif plutôt, semble interloqué par ta proposition. Il semblait tomber sur un voyageur classique, en tout cas une voyageuse classique, perdu dans les marais comme il doit y en avoir de temps en temps, une fois ou deux fois par an. Mais c'est vrai que ta moto a attisé sa curiosité. Et soudain, au loin, apparaît la silhouette de Efflux sur son cheval. À ce moment-là, ses yeux s'écarquillent complètement. Les autres aussi commencent à lâcher certains bruits des... Oh! Efflux, qui évidemment en plus marche au milieu de la foule, comme si toutes les autres personnes qui se trouvaient avec vous actuellement n'étaient que votre escorte. À ce moment-là, l'homme se retourne et crie une espèce de phrase dans un franquien, cette fois-ci complètement incompréhensible. Et les portes de cette espèce de grande muraille qui était... une espèce d'énorme portail sur lequel on avait accroché de la tôle et des pics, commence à s'ouvrir. Et Flux rentre le premier sur son cheval. De quelle couleur il est ton cheval, Flux, déjà, d'ailleurs ? Gris, me semble. Il est gris, oui, c'est bien possible. Sans doute que si jamais tu veux rajouter de l'effet, tu mettras également ton drone en train de survoler au niveau de ton épaule. Et les gens qui se trouvent à l'intérieur de ce petit village, qui est encore plus petit que Bayonne, sur lequel tu vois quelques cultures et quelques vieilles bâtisses en bois, sortent les uns après les autres de leur petite maison pour t'accueillir au niveau de la route. En lâchant quelques phrases de type « Ah, c'est lui, il est revenu !» Juste en face de là où tu te trouves, il y a une autre petite maison qui, cette fois-ci, elle est un peu accrochée à la hauteur d'un arbre avec un escalier en bois qui a été construit pour l'accueillir. On laisse rentrer les autres membres du groupe qui se trouvent juste derrière. Tandis que vous voyez donc cette micro-société qui a été réduite à la taille d'un village. et dans laquelle on élève quelques poules. Vous voyez également des oiseaux en cage, des buissons avec des baies, comme je disais, quelques petits potagers, une espèce de rivière qui semble passer sous un pan de la muraille, quelques pièges disposés ici et là, quelques collets, quelques lapins. Et toutes ces personnes, toutes vêtues de la même manière, dans de grands manteaux rouges et des armures également qui ont été peintes sur lesquelles ils ont tracé des images à l'allure d'ossements. Efflux, d'ailleurs, en les observant, tu sembles avoir quelques peut-être flashs et vieilles images, comme si tu en avais peut-être toi-même croisé déjà à l'époque où tu habitais la Franca. À ce moment-là, une femme s'avance vers toi en larmes et te dit « Mais que nous vaut votre présence ?» Je suis venu chercher quelqu'un. À ce moment-là, du coup, au milieu, au niveau de cette maison que je décrivais au centre du village, apparaît une silhouette. Une silhouette équipée d'un masque comme le tien, même si elle ne le porte pas au niveau du visage. Malgré tout, tu remarqueras qu'elle ne possède que le masque et rien de tout l'attirail qui va avec. Au moment où elle s'approche aussi, les gens s'agenouillent et se mettent en position de supplication devant elle. Vous autres, à l'arrière, vous avez vraiment l'impression qu'on assiste à la rencontre entre deux dieux au sein de ce petit village perdu au beau milieu des marais. « Oh !» dit-il, en mettant son masque au niveau de son visage. « Que me vaut votre présence, chroniqueur ?» Tu remarqueras qu'aucun son de grésillement ni aucune voix modifiée n'apparaîtra au moment où son masque arrive au niveau de son visage. Aucune lumière n'en émanera non plus. On s'est venu chercher quelqu'un. Qui ça? Un arriviste. Quelqu'un qui n'est pas très ancien ici. Mais tout le monde vit ici depuis plusieurs années maintenant. Nous ne sortons que très rarement. Oui, j'ai entendu ça. Dis-moi, tu sais t'en servir? En effet, lorsque ta voix, toi, donne des impacts, les gens tournent leur visage dans ta direction. Écoute, je n'en ai pas besoin. Nous pourrions peut-être parler seul à seul à l'intérieur de ma tente. Enfin, de ma cabane. Je pense que c'est une bonne idée, oui. À ce moment-là, il t'y conduit. Et vous vous retrouvez quelques instants plus tard de votre côté. Les autres dehors, vous faites connaissance avec cette population qui semble être assez discrète et ne pas parler à vous autres qui semblez être la simple escorte de ce groupe, enfin du chroniqueur qui vient de rentrer. Vous les voyez, vous observez de loin, les enfants vous regardent et posent des questions à leurs parents qui leur répondent sans que vous ayez vraiment l'occasion de comprendre ce qu'ils disent. Lilith, elle, a l'air complètement sortie de ce truc. Ils sont complètement tarés. C'est quoi leur problème? Tu m'étonnes que personne n'ait envie de venir chez eux. Ouais, je suis d'accord. C'est pas la muraille qui doit les effrayer. Enfin, ouais. Vous attendez là tranquillement, en ce moment, elle récupère le reste de son repas, elle le mange et... Toujours aussi dégueulasse, et puis elle crache un bout par terre. Ouais, je suis d'accord. En parallèle, à l'intérieur de la petite cabane de l'autre chroniqueur, du village, Efflux, tu aperçois donc une petite zone très tranquille avec juste un lit, quelques décorations posées ici et là, rien de bien, impressionnant. Tu en noteras quand même quelques dessins à l'apparence de chroniqueurs au niveau de certains des murs. Bon, écoute, mec, qu'est-ce que tu fais là, sérieux? Si jamais tu veux trouver d'autres abrutis à manipuler, t'inquiète pas, il y a des tas d'autres sangliers dans les parages. Si tu veux, je peux juste te donner leur adresse, mais ton quelqu'un que tu cherches, il est pas ici. Ça fait quoi d'être pris pour ce que tu n'es pas? C'est quoi, qu'est-ce que c'est quoi, la différence entre toi et moi? Ouais. La différence entre... Toi, tu fais de la lumière et moi, j'en fais pas. Écoute, c'est tout ce qui leur suffit. Ils ont reçu la visite de chroniqueurs il y a des années. Tout le monde savait que personne pouvait rentrer si tu faisais pas partie des leurs. Alors bon, j'ai récupéré quelques vieilles ruines que j'avais trouvées ici et là. Et puis, me voilà. Écoute, je me tiens pas plus mal. J'ai mes raisons de vouloir rester ici, et puis tout le monde est heureux. Je pense que le problème... Enfin, la différence est ailleurs. Bon. Écoute, Oara, tu vas venir avec moi, sans faire de vagues. Ou je t'humilie publiquement devant tous ces gens. Et qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Des gens, là, ici... Franchement, j'ai même pas envie de faire semblant. Et si tu sais qu'ils croient que c'est moi qui leur donne des bébés, ils pensent que c'est ma magie stellaire de je sais pas quoi, cosmique. Ils ont même pas fait le lien avec le fait qu'ils couchaient ensemble, non mais sérieusement. Si jamais je leur demande de vous attaquer, ils vous trucident en une seconde. Vous êtes rien pour eux. Soit, allons dehors et on verra de quel côté ils se rangent. À ce moment-là, ils se mettent à rigoler. Ouais, et puis je pense qu'on va commencer à durcir les règles autour de l'entrée des inconnus à l'intérieur de notre village. Laisse-moi 2 secondes. Non. Il fait sa petite cabane et récupère une espèce de vieille charge 10 cubes, qui est l'énergie que vous utilisez, chroniqueur, qui a l'air d'être complètement à plat, mais qui branche au niveau de son vocodeur. À ce moment-là, sa voix se met légèrement à grésiller aussi. Tu vois, moi aussi, je peux le faire. Ouais, sort. À ce moment-là, vous sortez tous les deux. Vous vous trouvez tous les deux à ce moment-là à l'extérieur. Quelle attitude tu affiches, Flux, lorsque tu rentres? Lorsque je sors, clairement, je sais pas comment dire ça, parce que à travers moi, ça se voit peut-être pas, mais je suis très direct, ça se voit que il y a une conversation qui se prépare, et mon but, en fait, c'est de parler aux gens, juste faire de la place sur la place. J'ai envoyé cet ange gardien pour nous amener chance et beaucoup d'enfants. Mais maintenant, il va rentrer dans son village à lui. N'est-ce pas, machin? Dames, messieurs, et en faisant ça, je m'écarte de lui pour prendre une distance. Je suis dans le regret de vous dire que la personne qui jusqu'à présent se faisait passer pour chroniqueur n'est rien d'autre qu'un pauvre petit imposteur. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et je vous prie donc de faire place et de vous écarter puisque ça peut être dangereux pour vous. Fais-moi un jet de charisme expression avec... Une combinée, enfin, combinée à un autre jet de charisme leadership. Mais du coup, en plus, tu leur parles en franquin, toi, dirais, vu que tu sais bien parler. Et Flux parle parfaitement franquin. Alors, premier jet, j'ai fait 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 réussites, dont 3 déclencheurs. Et le deuxième, c'est 1, 2, 3. 4, 5 réussites, dont un déclencheur. Du coup, à ce moment-là, en effet, les gens commencent légèrement à s'écarter et vous avez quelques messes basses qui commencent à se faire. De votre côté, les autres, vous commencez à vous faire entourer par d'autres personnes. Donc, parmi les sangliers, certains ayant l'air légèrement agressifs, d'autres un peu moins. Moi, je pose mon marteau par terre. Ok. Je le lâche complètement. Allô? Ouais. Ça a été reçu. Allô, allô? Oui, oui, on t'a entendu. Désolé. Écoutez. Partez. Nous en avons fini. Je mets vos codeurs à fond, le plus fort possible. Le plus... Tu vois, même, je dépasse le cran maximum de 1. Je m'excuse, hein. Et je lui dis juste à genoux. Alors, vas-y, fais-moi donc ton G pour cela. C'est donc un mélange, pour rappel, de intellect et psyché domination, c'est ça? Exactement. Ok, cool. Donc, déjà, 2 déclencheurs que je mets de côté. En effet, t'arrives le sans problème, donc 5 réussites de déclencheur, c'est un super bon jet à régler ton vocodeur au maximum. Comme en plus, vu que t'as écarté les gens avant, tu réduis l'arc de cercle vraiment jusqu'à son niveau. Et donc, tu balances ton gigantesque cri. À genoux. À ce moment-là, une énorme vague de son arrive en plein dans sa gueule. Si fort qu'il commence à tomber en arrière, son masque s'éclate par terre. Les gens autour commencent à dégainer leurs armes, à vous pointer, mais sans tirer, ils savent juste pas trop quoi faire. Leur espèce de faux dieu, en effet, tombe au niveau du sol, puis se relève, active lui son vocodeur, mais ne fait quasiment aucun bruit. Il crie simplement « Tuez-les !» J'imagine que tu rétorqueras avec de nouveau quelques cris. Genou. C'est vraiment l'épuisé, parce que ouais. Il est vivant, ça j'oublie pas. Mais je sais que c'est ça, hein, quand il n'y a plus d'ego, là c'est vraiment. Oui, exactement. Ouais. C'est juste qu'on tombe épuisé. Je vais envoyer la sauce autant qu'il veut. Quoi. Ouais, il résiste, je m'envoie. Quoi. Je vais pas te demander de me faire des jets en boucle, parce que de toute façon il a aucune chance. En effet, il a beau essayer de résister au bout d'un moment, il finit simplement par tomber au sol complètement. Et la seule chose, c'est que je me tourne vers les gens et je dis tout simplement l'imposteur n'étant plus, je m'occupe de son cas. Vous devrez faire attention à qui vous accordez votre confiance si vous voulez que nous revenions par ici. À ce moment-là, l'un d'entre eux s'approche vers toi et vous êtes donc le vrai dieu. Je le suis. Vous êtes comme ceux que nous décrivez, que nous décrivent les sages. Nous ne savons pas quoi dire, vous. Nous avons été bernés par un imposteur. Mais vous êtes de retour, les chroniqueurs sont revenus, c'est bien ça ? Pour l'instant, je suis le seul, mais effectivement, les chroniqueurs reviennent. Nous n'en avons connu qu'un seul également par le passé. Nous pensions que cet homme était envoyé par celui qui était venu jusqu'à chez nous. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ce n'est qu'une ordure qui est tombée sur du matériel nous appartenant. Et quel est votre nom, divinité technologique du savoir ? Flux. Flux. Nous peindrons des images à votre effigie, à côté de l'autre, celui qui était venu à l'époque. Prenez l'imposteur, nous ne voulons plus le voir. Vous faites le bon choix. Je reviendrai vers vous au moment venu. Et nous vous offrirons notre enfant. Tel que le veut la coutume. Tel que le veut la coutume. À ce moment-là, tu récupères l'autre. Le mets sur ton épaule, j'imagine, ou enfin, non, même sur un cheval, sur un truc, et remonte sur le tien, tandis que la foule ne parle plus, ils se sont simplement agenouillés en vous regardant et vous laissent repartir les uns après les autres. Lilith se permettra quand même un petit commentaire sur... J'aurais peut-être dû faire chroniqueur aussi. Et là-dessus, vous repartez avec l'autre qui est donc, comme je dis, on imagine qu'il y ait plusieurs vagues, tu sais, tu l'as dit plusieurs fois, ton à genoux avec ton vocodeur, jusqu'à ce qu'il tombe complètement au sol. Il est complètement sonné, il a les oreilles en sang, son masque, son vieux masque est tombé par terre. Il faut vraiment mettre, je l'ai peut-être pas assez accentué, mais en plus de la différence de technologie, en termes d'apparence, le tien de masque, je veux dire, c'est... Il est incroyable, le sien couvrait pas l'intégralité de son visage. Tu sens qu'au fond, ils s'en doutaient tous un peu, mais qu'ils avaient envie de croire au fait que les dieux soient revenus pour eux. Et là-dessus, donc, vous repartez jusqu'en direction de Bayonne. Évidemment, vous aurez quand même quelques remarques, surtout de la part de Dobby, qui, lui, est assez circonspect par rapport à ce qui vient de se passer. Renard, elle, semble être aussi assez impressionnée, surtout du fait qu'ils vivent dans des conditions finalement assez primaires. Et évidemment, toute cette espèce de duel de chroniqueurs face à l'imposteur va pas mal animer les discussions du chemin de retour. Au final, vous arriverez jusqu'à Bayonne. Et j'imagine donc du coup que vous allez apporter le corps de l'homme en question jusqu'à Skarokan. Exact. Ok. Lorsque vous arrivez au niveau donc de son autobastion, on vous laisse rentrer et les gens semblent lâcher des cris d'étonnement en reconnaissant le visage de O'Hara. Ils l'ont retrouvé. Ils ont réussi à rentrer. Skarokant lui-même esquissera un léger sourire et éclatera de rire en vous voyant approcher avec lui. Alors, vous l'avez eu. Pas très difficile, votre Gus. Ben, vous voyez, c'était pas si compliqué. Non, je l'avoue, j'ai un peu trop mal réagi. Y a pas de souci, moi-même, je suis désolé et peut-être été légèrement trop abrupt avec vous. Vous autres là, à ce moment-là, il parle à ces gars. Réunissez le bassin à l'extérieur, nous allons procéder à l'exécution. À ce moment-là, vous allez voir pendant toute la journée, tandis que finalement Skarokant va presque vous ignorer, l'espèce de construction, enfin pas construction, mais je sais pas si vous voyez un peu comme dans les cirques, ils vont refermer la partie autour de l'autobastion. Réunir une bonne partie de la ville et balancer des espèces de grosses bâches remplir la zone en fait d'une espèce d'eau très vaseuse en accrochant le pauvre O'Hara au niveau d'un poteau en plein milieu. Ça a l'air d'être le rite à Bayonne dont Skarokant le fameux rite sur lequel il ne vaut mieux pas finir dont Skarokant est en train de préparer. Le pauvre O'Hara, d'ailleurs, se fait insulter de part en part le traître qui assassinait ses frères pour s'enfuir et recevra plusieurs jets de pierre. Son sang commencera à envelopper toute la flotte qui l'entoure désormais, tandis que vous, de l'autre côté du bassin, vous observerez ce triste spectacle, malheureusement relativement barbare. Sans doute que Jacquard se dira que, en effet, la vie est bel et bien plus juste, ajusticienne. Puis vient l'heure. La nuit commence à tomber et on en profite, tandis que vous avez bien mangé, on vous a offert de bien meilleurs repas que ceux d'habitude. Dobby, on aura profité pour se gargariser auprès des pies locales. On allume de nombreuses lumières aux alentours. Pour éclairer la pauvre cible qui est désormais accrochée depuis désormais plusieurs heures au niveau du bassin. D'ailleurs, depuis, elle a commencé à se réveiller et essaye tant bien que mal de s'expliquer auprès des gens qui ont l'air de n'en avoir rien à faire de ce qu'ils disent. Vous l'entendez, cette fois-ci, vous l'entendez vraiment. On a commandité à un petit groupe d'apocalyptiques de faire légèrement de musique tout autour pour animer un petit peu la scène. Ah mort, ah mort, ah mort, commence à s'écrier la foule. Tandis que l'homme en question commence à paniquer. À ce moment-là, au niveau de l'autobastion, une espèce de double porte commence à s'ouvrir mécaniquement, avec, au niveau des marches, un peu plus loin, Skarokant qui s'écrie « Et voici quel est le sort révélé aux traîtres. Peuple de Bayonne, soyez-en sûrs, vous serez les prochains sur la liste si, comme O'Hara, vous décidez de vous en prendre à votre chef bien-aimé. » Votre corneille, à qui vous devez tout. Les gens, eux, s'écrient « À mort, le traître !» À ce moment-là, ce dernier arrive à se délier au niveau de ses liens qui, très certainement, ont été volontairement très faiblement attachés et commence à y essayer de courir à travers cette espèce d'intense vase qui lui arrive maintenant quasiment jusqu'au genou. Lui jette d'ailleurs une lanterne au visage. Un homme s'écrie à ce moment-là « Tiens, comme ça, tu verras mieux !» Et les gens autour, ceux-ci, se mettent à rigoler comme si on assistait vraiment à l'événement du siècle. D'ailleurs, vu tout ce qui a été mis en place, ça semble être l'événement du siècle. Compliqué de savoir, vous, pour l'instant, pourquoi. L'homme saigne abondamment et... commence à se précipiter au niveau avec sa petite lanterne à la main au niveau des bords. Vous, à côté, vous avez un des proches collaborateurs de Scarocante qui vous dit si vous avez jamais assisté à une exécution, non ? Pas dans mes souvenirs, en tout cas. Très bien. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, la règle est très très simple. Si jamais ils arrivent à accéder... Si jamais pardon, l'exécuté arrive à accéder au bord et à survivre, eh bien, il est libre. Mais de vous à moi, cela arrive très rarement. Et en effet, au moment où le pauvre homme commence à approcher trop près du bord, d'un seul coup, surgissant de l'eau, une silhouette écailleuse apparaît, ouvre en grand sa gueule, et la referme au niveau du bras qui tenait la lanterne. À ce moment-là, O'Hara pousse une espèce de hurlement de douleur, tandis que vous voyez son bras se détacher de sa poitrine, enfin de son épaule, quoi. L'alligator qui vient de se jeter en dehors commence à balancer ce dernier à droite à gauche, comme s'il était en train, comme un chien qui jouerait avec un os. L'homme commence alors à courir d'un seul coup de l'autre côté, en hurlant et tient sa blessure, mais malheureusement pour lui, une seconde silhouette d'alligator se jette hors de l'eau et commence à s'en prendre à son corps. Elle le balance de droite à gauche, et la foule hurle de joie. Les gens continuent de gueuler « À mort, à mort !» Et Scarocante également esquisse un gigantesque rire. C'est ce qu'il en coûte de s'en prendre à ma pie préférée. Voyez, peuple de Bayonne. Les gens, alors que pourtant le spectacle pourrait peut-être vous paraître horrible, sont incroyablement sereins. Vous avez quand même certaines personnes qui n'apprécient pas trop le démembrement comme... Renard qui se mettent de côté au loin et qui refusent de regarder un spectacle aussi barbare, tandis que Lilith Dobby se trouvent actuellement au premier rang. D'ailleurs, l'homme qui se trouve juste à côté d'eux penche un moment son bras un peu trop près de l'eau et se fait happer par le premier crocodile qui le tire à l'intérieur du bassin. Les gens hurlent de joie et de rire. Pour rappel, ce sont des apocalyptiques. Hein, pour eux, mourir par un crocodile, c'est comme tomber en panne sur l'autoroute un soir de Noël. C'est une anecdote à raconter au reste de la famille pendant des années. Je ne vais pas vous décrire pendant encore trop longtemps ce qui passe à la suite. Hein. Vous voyez juste les crocodiles jouer principalement avec O'Hara, qui n'a aucune chance de s'en sortir. Hein. Vraiment, ils sont en train de jouer avec son corps, ils se le balancent, se jettent les uns aux autres. Et de temps en temps, un malheureux manque de se faire bouffer la main ou se fait tirer dans le bassin. Et en ressort avec un peu de chance, avec le bras ensanglanté ou avec le bras complètement détaché du corps. Toute cette installation autour de l'autobastion ne servait qu'à ça. Et au bout de quelques heures, au bout d'une petite demi-heure peut-être, les alligators en ont fini et on les attire de nouveau à l'intérieur de l'autobastion. Pourtant, il pourrait très clairement se jeter en dehors et s'en prendre à la foule, mais il semble quand même être un minimum éduqué. Et ils ont fini leur petit quart d'heure de gloire et repartent de leur côté. Il faudra de nouveau un bon petit moment pour retirer tout ce qui avait été installé autour de ça. Les gens, au bout d'un moment, commencent à quitter l'endroit. Et on vide tout simplement les bâches, ce qui fait complètement s'évacuer l'eau à travers la ville, vu qu'en plus l'autobastion est en hauteur... ça inonde complètement certaines parties, mais on s'en fout parce que c'est juste de la flotte. et que tout le monde aura bien rigolé un bon coup face au traître d'O'Hara qui a assassiné Depi pour pouvoir s'enfuir. Quant à Scarocant, il reviendra vous voir un peu plus tard avec son magnifique sourire. Alors, le spectacle vous a plu ? Suivez-moi maintenant. Je vous ai promis une récompense. Et vous avez réussi à m'envoyer, à me ramener O'Hara en vie. Je vous avoue, j'y croyais plus trop. À ce moment-là, il vous conduit à l'intérieur de l'autobastion. L'autobastion, d'ailleurs, qui semble avoir toute une partie complètement inondée. Derrière une certaine porte. C'est ici qu'on les garde. Deux magnifiques alligators. Ça vous a plu, j'espère. Impressionnant. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Ça va faire quelques années que j'attendais ce moment. Alors, sincèrement, prenez ce que vous voulez, la caisse, des armes, n'importe quoi. Je vous conduis jusqu'à l'armurerie. Si vous faut des dinars, je vous en donne. Si jamais vous voulez votre propre show privé d'alligator. Où ça, vous crêchez où en ce moment ? Toulon, Montpellier ? Toulon, effectivement. Très bien. Vous pouvez nous retrouver du côté du... Comment ça s'appelle ? La Saint-Christie. Voilà, la Saint-Christie, à côté du Saint-Chenil. Je pense pas que j'y passerai à l'occasion, mais c'est bon à savoir. Bon, écoutez, je vous ouvre l'armurerie et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Vraiment, prenez ce que vous voulez. Enfin, abusez pas trop, mais... Non, bien sûr. On n'est pas regardant. Moi, en attendant, il faut que j'aille nourrir les petits. Et à ce moment-là, il va récupérer quelques gros morceaux de viande déposés au niveau de son bureau et s'approche de la porte qui donne jusqu'à la salle inondée. Où, justement, en entr'ouvrant, vous voyez une espèce du coup de salle basse avec plusieurs alligators. Donc, les deux grands qui sont en train de dévorer le corps du pauvre O'Hara, ainsi que l'un des types qui s'est fait choper. Et plusieurs petits qui, eux, se disputent les quelques restes et vont se jeter sur les morceaux de steak. Au niveau de l'armurerie, vous découvrez des tas de trucs. Vous avez en effet la caisse, enfin la caisse, le contenu des caisses à médicaments qui sont été posées dans des grands cajots cette fois-ci. Vous avez des armes à feu qui sont posées là. Vous avez des bocaux remplis de dinars. Vous avez quand même un des apocalyptiques qui vous surveille, mais il est vraiment plus là en tant que portier qu'en tant que... En tant que, comment dire... Il nous gardien. Embête si on prend toute la salle, mais... Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, Scarocan, t'as pas l'air du tout regardant sur ça. Symboliquement, visiblement, pour lui, ça lui portait pas mal à cœur. Il y a vraiment, en vrai, des tas de trucs. Si vous qui cherchez des cordes, évidemment, vous avez du matériel d'expédition. Vous avez de l'huile de Marduk également. D'ailleurs, lui, de son côté, Dobby se jette sur certaines des caisses remplies d'huile et il est complètement vieux, au prix que c'est. Moi, je vais récupérer quelques-uns de ces beaux bébés. Il prend les caisses d'huile de Marduk. Ravi d'avoir fait affaire avec vous, Eflux. Avec ça, les affaires vont pouvoir reprendre. Tout de même, mon cher Dobby. Tout de votre même. Côté, à vous de dire ce que vous voulez, de quoi vous voulez vous saisir. Alors, moi, je ne prends pas d'armes à feu, parce que, en tant que chroniqueur, ce n'est pas dans mon code moral. D'ailleurs, je te poserai la question off, c'est pas très important. Du coup, moi, je vais surtout prendre les médicaments, ça c'est sûr, je suis là pour ça. Et je ziote quand même un peu, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser, genre, je sais que c'est une armurerie, mais... Je sais pas, genre si... C'est un truc qui intéresse un chroniqueur, tu vois ce que je veux dire. En effet, dans une espèce de bordel de tas de ferraille dans le fond, tu, à force de fouiller, déniches un e-cube. On en parlait tout à l'heure, puisque l'autre en avait, hein, c'est un peu les systèmes d'énergie des chroniqueurs, enfin de certains, ils utilisent d'autres trucs, mais en partie des e-cubes. En l'occurrence, l'autre était un vieux qui était vide, mais celui-ci a l'air relativement plein. Et tu le sais, un e-cube plein, ça vaut très très très très cher. Ils ont sans doute aucune conscience de ce qui se trouve actuellement dans ce tas de ferraille. Oui, généralement, je On parle de plusieurs milliers de dinars, hein, sans doute. D'accord. Bon, je vais prendre moi mon petit cube et je laisse les gens faire leurs courses. Je prends les médicaments, les cubes et je m'en vais. Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que ils auraient dans leur armurerie, est-ce que tu vois le fusil de Mad Max? Le fusil de Mad Max, je ne vois pas. Lequel de Mad Max? J'ai vu que Fury Road. Un fusil à canon scié, à double canon. Hop, attends. Tac. Ça. Toi. Je te l'accorde, ils ont plusieurs armes à feu, dont le fusil de Ok, bah je... Ah Et oui. Les munitions qui vont avec. Enfin, tu vois, c'est un petit Oui, shotgun, évidemment. quoi. T'as un petit pack de munitions. En effet, tu vois qu'en fait, ils ont pas mal d'armes. Bah, c'est le stock de la nuée, et c'est une des plus grosses nuées du sud de la Franca. Donc, oui, ils ont des armes à feu, ils en ont stock, ils peuvent se permettre d'en donner à des gens qui ont pleinement satisfait la corneille. Sinon, il avait parlé de quoi? Les huiles, ouais, peut-être on va essayer d'en récupérer. Je considère qu'on prend en groupe, t'inquiète. Oui, oui. Ok. Ouais, tout ce qui est corde. On a vu que ça pouvait être utile. Tu récupères une corde, je vais l'ajouter au groupe. Tu la mets au niveau de ton épaule, elle est assez imposante, hein, elle est assez grande. Qu'on ne peut pas lâcher dans la montagne. Toujours attention. Je sais même pas si j'ai le prix d'un écu, mais je sais pas où cher. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Sinon, pareil, hein, Kaïm, si t'as des trucs, vas-y, prends, moi je réfléchis, si tu veux un peu. Moi, je prends des dinars, plein de dinars. Je noie Lilith sous les dinars pendant que je lui passe pour qu'elle les ramasse. D'accord. C'est fort boyard, c'est ce que je disais. Peut-être du trop différent. J'ai une église à rénover, moi, donc. Tu récupères en effet plusieurs tas de dinars, des bocaux de dinars, des trucs comme ça. Ça commence à faire un sacré paquet. Voilà, et c'est tout Au pour bout lui. d'un moment, t'as quand même le type à l'arrière qui commence à grogner. Bon, tu Bon, reposes désolé. le bocal, mais Remettons. c'est ça, tu devras le reposer. Mais oui, ça va vous faire pas mal d'argent tout ça. En repartant au niveau du sud, enfin au niveau du sud, oula, au-delà de la pièce donc que vous vous trouviez, vous croisez donc Scarocante. Vous savez Juste. tout ce que vous vouliez? C'est bon? Juste. Parfait. Attendez. Je veux la bandoulière pour les munitions qui va avec. Très bien. Voyez? Ok. Voilà. Très bien, très bien. Parfait. Alors, je vois que vous avez récupéré ce qu'il vous fallait. À ce moment-là, il jette quelques coups d'œil. D'ailleurs, vous voyez qu'il a plus le moindre morceau de viande entre les mains. Il jette deux, trois coups d'œil, notamment du coup à Dobby et tout, qui a récupéré ses caisses. Renard au ciel, elle a pris de l'huile de Marduk. Oui, on prend le médicament si on l'a pas dit, mais Oui. ils crèvent tous sauf ça, tu Je l'ai dit, hein, c'est le premier truc que j'ai dit. sais. Ah, ok. Enfin voilà, bah du coup là-dessus, vous décidez de repartir. J'imagine que vous passerez la nuit à l'auberge. Vous redépenserez 20 dinars qui sont déduits de la somme que vous aviez récupérée. Et le lendemain matin, vous chargez à bloc vos montures et la moto de Mokosh au niveau de cette carte. Et du coup, c'est après une longue traversée que vous allez pouvoir retourner jusqu'à Toulon, puisque vous êtes chargés comme des mules.